Pour rappel, vous venez de sortir de la grotte, enfin la grotte, les ruines dans lesquelles vous étiez retrouvé piégé, et vous vous êtes redirigé en direction de cathédrale. Une fois arrivé aux portes de la ville, qui pour rappel ce petit passage un petit peu souterrain, vous croisez de nombreux cadavres, notamment de cafards et de quelques anabaptistes, et vous comprenez que la ville a été attaquée pendant votre absence. Malgré tout, les forces de cathédrale, vous le savez, sont relativement importantes, c'est quand même le siège des anabaptistes, donc les cafards n'avaient clairement aucune chance. Et vous savez que cette attaque avait sans doute plus une portée symbolique que réellement destructrice. Pardon. Vous voyez par exemple que certaines parties du camp, enfin de la ville, au niveau des murailles, ont été noircies comme si elles avaient été en partie brûlées. Vous voyez certaines des statues que vous aviez croisées précédemment qui ont été détruites. Et vous vous trouvez ainsi au milieu de la ville. À vous s'offrent plusieurs objectifs. Vous savez que sur le long terme, il va vous falloir rentrer au bout d'un moment en justicienne. À vous de voir si jamais vous voulez rentrer dès maintenant ou rester un peu plus longtemps. À moins que vous ayez d'autres projets, dans ce cas-là, c'est votre choix. D'une autre part, vous avez désormais récupéré le bras. Pareil, à vous de voir, est-ce que vous voudriez tenter une opération dès maintenant ou attendre d'être de retour à Justicienne? De ton côté, Flux, tu sais que tu auras beaucoup plus de facilité à le faire en ville, mais ça vous demande d'attendre un peu plus longtemps. Donc, à toi de voir si tu veux essayer dès maintenant. Et bien sûr, bah, tout ça entre d'autres choses, peut-être que vous-même avez quelques objectifs, des choses que vous voudriez faire. Je vais donc choisir et discuter un petit peu de ce que vous avez planifié. On imagine dans ce cas-là que vous êtes retourné à l'auberge de la dernière fois et que vous êtes en train de boire un verre. Et juste pour faire le point aussi au niveau de la ville, comme je l'ai précisé avant, vu que l'attaque était quand même relativement réduite. D'ailleurs, vous supposez que ce ne sont pas forcément les cafards que vous avez rencontrés qui ont attaqué la ville, mais parce que le groupe que vous avez croisé était un petit groupe parmi plusieurs planqués tout autour de dans la région. La force de la ville en est très peu réduite, hein. Vous savez qu'il n'y a pas dû avoir tant de morts que ça du côté des Annabelle. Voilà. Donc on n'est pas face à un décor, on va dire, plus post-apocalyptique que d'habitude. On n'a pas des femmes en pleurs dans la rue. On a juste des soldats blessés que vous voyez parcourir. Oui, l'attaque a été maîtrisée quand même. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Vous pouvez même juger à peu près à vue de nez qu'il doit y avoir un anabaptiste mort pour 10 cafards, qui est un score vraiment honorable quand on voit l'état du front. Ok. Bah, en tout cas, si jamais il y a besoin d'aide au niveau de pour soigner ou quoi, je suis là. Hein. Ok. Eh bien, si tu veux, en effet, avant de vous rendre au grandiloquent, je te propose de me faire un petit test. De médecine. On va imaginer simplement que Flux parcourt un petit peu les casernes. En effet, ils sont un petit peu en rade de médecin malgré tout. Il y a beaucoup de blessés, il n'y a pas beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de blessés. Donc, sort 4 succès, dont un déclencheur. Ok. Tu vois, en effet, tu arrives à donner un petit coup de main à droite à gauche. Avec ta seule main, c'est, on va dire vraiment en état, c'est un peu compliqué, mais ne serait-ce que par ton expertise, tu peux donner. Oui, je peux guider les gens, oui, faire ci, faire ça. Voilà. Okay. Maintenant, t'as pas non plus une importance, on va dire, cruciale au niveau oui. du camp. Finalement, t'es un peu discret, on fait à peine attention à toi. Tu vois qu'il y a d'autres anabaptistes, notamment les ascètes, qui viennent et qui vont donner à boire des objets de leur concoction, vu qu'ils ont un petit côté très herboriste. Mmh. Donc, si t'avais fait plus de déclencheurs, par exemple, on aurait pu dire que, tu vois, là, tout le monde aurait eu les yeux rivés vers toi comme le sauveur, mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Malgré tout, ils apprécient ton aide. À partir du moment où tu vas pas leur demander d'argent, ils vont pas t'en donner. Mais sache que ta réputation en est améliorée en ville et que peut-être cela pourrait vous être bénéfique par la suite. Ok. Si. Ouais, bah du coup, tant mieux hein, si je puis aider un petit peu la ville et qu'on se fasse bien voir. C'est exactement, pas plus mal. C'est, tu vois que mine de rien, Spitalier et Cathédrale, il n'y en a pas beaucoup. Tu dois même être l'un des seuls où on n'a pas fait toute la ville. Et on risque de te reconnaître. Alors, tu m'avais dit que il y avait un camp. Est-ce qu'il y avait un camp de Spitalier dans le secteur ou pas du tout? Alors, juste à côté de Cathédrale, non. Je vais te dire ça, le camp le plus proche. Étant donné que vous êtes en dehors du protectorat, en fait, vous êtes... parce que là, vous êtes en dehors du protectorat. Ouais. Donc, vous êtes en sécurité. L'attaque qui a eu lieu était vraiment, on va dire, quasiment exceptionnelle. Mais voilà, vous en faites quand même pas partie. Donc, en effet, les camps les plus proches, puisque tu vas quand même avoir des petits camps cachés... tu sais quoi? Tu vas me faire un petit jet. Ouais, je vais te demander, avec un historique, ça va être l'occasion de les utiliser, même si normalement ils sont plus une utilité passive, pour savoir si tu connais la localisation des petits groupes. Alors c'est lequel? Je veux dire ça, écoute, est-ce que tu as un D6 à disposition? Oui. Eh bien... tu vas me faire un D6 sur ton origine de réseau, donc network. Donc j'ai 1. T'as fait 1? Non, j'ai 1 en réseau, mais... Lance le dé, il faut que tu fasses 1, et si jamais c'est le cas, tu connaîtras l'emplacement de mon camp, non loin. Non, oh. j'ai fait 3. Donc pour l'instant, sans demander d'informations, tu pourrais pas dire s'il y a un camp vraiment pas très très loin. Par contre, tu sais qu'en effet, dès que tu rejoins la frontière avec le protectorat, donc à normalement une demi-journée de marche, même un tout petit peu plus, on va dire, un peu plus d'une demi-journée de marche, tu peux trouver des ouais. Bon, sinon, je demanderai aux gens qui est au nord-est de votre position. Pire, je demanderai, hein, vu que là, j'ai aidé un petit peu, ils seront peut-être plus enclins à me rendre service. Oui. Voilà. Ah. Alors, tu veux leur demander... C'est bien ça? Oui, je vais leur demander si quelqu'un saurait me dire s'il y a un camp de Spitalier dans le coin. Ouais. Dans ce cas-là, tu vas me faire cette fois-ci... Un petit jet, on va dire de charisme, je pense que ça va être expression. Et tu vas me mettre un bonus de 2D. Puisque vu que tu les as aidés, ils ont gagné ta confiance. D'accord. Enfin, tu as gagné, pardon, leur confiance. Eh ben, j'ai 2 succès dont un déclencheur. Pas grand-chose. En effet, il y a un des gars, un des anabaptistes, qui te dit « Ouais, il me semble qu'il y avait un camp au sud. » Au sud. Vous vouliez pouvoir tomber sur eux en quelques heures, je pense. Je vois bien que la dernière fois qu'on y allait, il y avait plus grand monde. Ils ont quasiment tous déserté, mais avec un peu de chance. C'est genre dans les alentours de Severinus, un truc comme ça? Ouais, à peu près. D'accord. Ok, bah merci beaucoup, cher ami. Si jamais t'as une carte, tu vois qui t'indique la position. En effet, tu vois que c'est au sud de votre position, à quelques heures de marche. D'accord. Merci. Pas de quoi. Du coup, Flux, quel était ton projet avant que tu bug? Je disais juste, en fait, j'avais il y a un de spécial à faire, comme beaucoup. D'accord. Et bien parfait, donc à ce moment-là, vous vous retrouvez donc à l'intérieur du grandiloquent. De quoi est-ce que vous discutez? Si jamais il y a des sujets que vous voudriez... Moi, je vais parler de mon bras. Logiquement, je veux dire, on s'est fait chier à aller chercher un bras mécanique. Dans l'idée, c'est que. Pas pour le ranger dans un sac. Je le mette. Donc, moi, je vais leur parler tout de suite de mon bras. Je dis, écoutez, les gars. Les amis. Je sais pas si vous avez des choses particulières à faire. Mais moi, j'avoue que. Plus vite je mettrai mon bras et plus vite je pourrai récupérer mes facultés, enfin, être à 100% de mes facultés puisque je suis un peu diminué avec ce bras en plastique. Et là je tape sur la table un petit peu avec pour faire un pom pom. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai discuté tout à l'heure avec un gars qui m'a dit qu'il y avait peut-être un camp d'hospitalier au sud à quelques heures de marche d'ici. Donc si ça vous va, écoutez, on peut essayer d'y aller. Je vous garantis pas qu'il soit encore là, mais voilà, ça vaut peut-être le coup de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien soit. Si tu trouves que c'est la bonne direction à prendre. Ouais, pourquoi pas. Puis Mokosh, ce sera peut-être pour toi l'occasion de faire un tour à Abby. Oui. Oui, oui. En vous rendant à l'écurie de la ville, vous réalisez quand même que il n'y a pas la place pour 3 personnes sur Abby. Oui, est-ce qu'il y aura 2. Éventuellement, vous pourriez tenter en effet de vous accrocher à 3 dessus, mais ce sera pas des plus aisés. Est-ce que c'est possible de louer un cheval? Oui, bien sûr. C'est vrai que vos chevaux, vous en aviez à l'époque. Ben oui, c'est vrai. Vous en avez perdu l'acquisition. En effet, vous les avez, on va dire, abandonnés, entre guillemets, pendant trop longtemps lorsque vous étiez rendu en Purgaré, puisque vous avez préféré aller à pied, puisque c'était plus facile de traverser les Alpes de toute manière. Du coup, le fait que vous les ayez laissés trop longtemps fait que, simplement, quand vous êtes revenu, vous avez... malheureusement appris qu'ils avaient été réquisitionnés par les juges. Ce qui fait que vous vous retrouvez sans monture. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois, je vous avais décrit le fait que vous vous rendiez ici à pied. Ouais, mais du coup, si on peut en louer. Ouais. Hein ? En effet, en te rendant à l'écurie, le petit gars que tu vois te propose de louer un cheval pour quelques lettres de change. Écoutez, ça vous va ? Mokosh, tu prends un billet avec toi et... Ce que je demande, c'est de... Alors, attends, je vais... Ah oui, vas-y, continue. Bah, écoute, Mokosh, tu prends un billet avec toi et... Je sais pas, Flux, est-ce que tu préfères monter sur ce véhicule ou prendre le cheval? Oui, prendre un cheval. C'était pas mon choix. Pardon? C'était là mon choix, de toute façon. C'était déjà ton choix, d'accord. Eh ben écoute, soit, je monterai avec toi, mon coach. Et c'est combien, du coup, monsieur, pour le cheval? En fait, pour le cheval, c'est simple. On te demande de payer 200 lettres de change et on te rendra 150 lorsque tu l'auras ramené. D'accord. C'est un prix, tu vois, qui est assez élevé, mais étant donné le contexte dans lequel vous vous trouvez... Alors attends, je vais mettre... Je vais marquer... La plupart des montures sont réquisitionnées pour aller sur le front. Bon. Comme j'ai proposé, comme on y va pour moi, évidemment, je m'occupe du cheval. Très bien. C'est pour moi. Vous empoignez vos montures et c'est ainsi que vous quittez la ville en vous élançant sur une petite route menant vers le sud. Le cheval de son côté commence à partir au galop, tandis que la moto de Mokosh, Abby, le rejoindra un peu après. Vous voyez que le canasson a un peu peur au début du bruit qu'il entend, mais en restant à bonne distance, vous arrivez à effectuer une chevauchée et une conduite assez impressionnante à travers le désert. Vous voyez d'ailleurs toute la poussière soulevée par l'appareil mécanique, qui laisse une énorme trace derrière vous, ainsi qu'un autre pareil nuage. En envolé par les comment dire l'impact des sabots contre le sol. Je vais vous demander quand même de me faire un petit jet juste pour voir. Et là, on tombe. Donc agility navigation. Oula. Avec seulement une difficulté de 2. Alors, est-ce que comme c'est pas moi qui conduis, est-ce que je dois vraiment le faire? Oui, en effet, du coup, dans ce cas-là, t'as pas besoin de le faire. Voilà. C'est juste agilité, t'as dit? Navigation. Agilité, navigation. Ah, navigation. Ok, ça me donne un dé de plus. Ouais. Avec une difficulté de 2. Avec quoi? Pour voir un échec veut pas dire que... Ok. Une réussite qui est un déclencheur. Une réussite qui est un déclencheur, ok, parfait. Est-ce que l'échec est une petite tête de mort? J'ai pas de tête de mort. Ok, parfait. Et toi, Flux? Évidemment, j'entendais ça. Je dois le faire aussi, du coup? Ouais. Ouais, t'es à cheval. Tu gères. Donc c'est la même compétence pour conduire un cheval que pour conduire une moto. Attends, on est à Honolulu, là, dans la musique, là. C'est avec la moto. Ah ouais. Ah. La scène sans son, il y a juste la musique par-dessus. Ouais. Au moment de la pause... pour fumer un coup dans le désert post-apocalyptique, voilà. À côté des ruines. Parfait, le trajet se passe relativement bien. Vous arrivez finalement jusqu'à, en effet, une espèce de petit camp de spitaliers. Vous reconnaissez leurs tentes assez typiques qui sont là pour les protéger de la poussière et du sable. Je vais vous demander un petit jet d'instinct perception, enfin à mesure que vous en approchez, pour essayer de voir s'il est encore habité. En effet, vous n'êtes pas sûr que les cafards ne les aient pas attaqués eux non plus. Mokosh, en apercevant un peu au loin, tu vois que tout a l'air de être plutôt, comment dire, normal. Tu aperçois 2-3 silhouettes d'hospitaliers, tu les reconnais notamment avec leur fameux lancier et le mollusque qui se trouve à l'intérieur, ça fait une forme assez distincte de l'anse qu'on voit à l'extérieur. En tout cas de l'eau, qui se détache de leur silhouette. Vous allez donc vous rapprocher d'eux, et vous les entendez un petit peu discuter entre eux. Tu les as vus passer, non je sais pas, et puis tandis qu'ils discutent, il y en a un qui se retourne vers vous qui fait « Oh, qui va là ?» Je sens... Un confrère. Bonjour mes frères. Comment allez-vous? On n'attendait pas de renfort? Non, justement, je ne viens pas pour du renfort. Je suis ici pour vous demander votre aide. Ça tombe mal, on aurait justement bien demandé le vôtre. Est-ce que moi, entre-temps, je suis monté en poste? Enfin, est-ce que je suis le plus haut gradé des hospitaliers là sur le camp? C'est quoi? Tu vas me faire un autre petit jet au D6 cette fois-ci. Et tu vas me faire un Origins allié. J'ai fait 3 et j'ai 2 en allié. Ok. Tu vois que t'arrives pas à connaître, tu connais pas les mecs en face de toi. Ouais. Donc tu les as jamais vus, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, d'apparence, il y en a un qui a l'air d'être à peu près au même rang que toi. Il est peut-être pas, on va dire, le même poste exactement, mais en tout cas, ils ont pas l'air d'être supérieurs. Et ceux à qui vous êtes en train de parler, pour le coup, ont l'air d'être inférieurs. Du coup, est-ce que c'est visible mon rang sur moi ou pas? Alors, c'est pas spécifié, mais je pars du principe que oui, quand même, il y a sans doute des petites bricoles qui font qu'en effet, on peut le remarquer. D'accord. Et puis, il y a quelque chose aussi qui va se dégager, on va dire, de en dehors de ton apparence, au niveau de ta stature, tu vois. On reconnaît par exemple les nouveaux, au fait, qui vont toujours se balader avec leur petit manuel de médecine, bah, alors que toi, tu l'as délaissé, ouais. T'en as plus. Du coup, je leur dis, voilà, je sors la boîte que je réussis à caler sur la moto comme ça pendant qu'on roulait, tu vois. Vous l'accrocher à l'arrière. Hein, ou l'accrocher, enfin, ouais, voilà, et... Bon, mes frères, regardez, comme vous pouvez vous en rendre compte, durant un combat contre un biokinésiste, donc déjà, il doit faire... J'ai malheureusement perdu mon bras. Et Mais j'ai réussi à faire l'acquisition, non sans mal, avec mes amis qui sont ici présents, de cette relique, ce bras mécanique. Et j'ouvre la boîte, je leur montre tout neuf, reluisant. Ouais. À ce moment-là, tu les vois s'arrêter un petit peu, genre, et l'un d'entre eux écarquille les yeux. Attendez, laissez-moi deviner. Un hospitalier, un bras en moins, accompagné d'une amie à Baptiste, d'un chroniqueur, mais vous êtes Torik? Oui, Cole, c'est le docteur Cole? C'est moi-même. Tu vois qu'alors il s'avance de toi en te tendant la main. Oh, bon, bonjour, je me présente, Victor. Bonjour, enchanté Victor. De vous rencontrer, j'ai entendu, longuement entendu parler de vous. Bien. En bien, j'espère. Oui, bien sûr. Et vous devez être Mokos, je présume. Mokos. Je te laisse pas être au courant que le H se prononce. Je te laisse corriger, hein, si tu veux. Non, tu fais erreur. Ah. Et vous n'êtes pas Flux, j'imagine. Ou. Ah oui, excusez-moi. Et où vous voyez jeter vite fait un ou deux coups d'œil derrière vous. Et ne rien dire comme si ils avaient en tête que votre ami Jacquard était décédé depuis. Ah si. Si, pas vous... le sujet. Si vous cherchez Jacquard, il est en convalescence. Il a pris plus cher que moi et du coup il a besoin de oui, repos c'est et de soins. Dans les couloirs d'hôpital. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Torik, tu vois que malgré tout, même si en effet certaines de tes histoires ont un peu tourné dans l'enceinte d'hôpital, t'es pas non plus devenu une superstar et oui, c'est oui. pas non plus extrêmement régulier que tu croises des gens qui te connaissent. Donc tu vois que t'es quand même plutôt content que pour une fois. Oui, bah évidemment, forcément. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu. Qu'est-ce que vous vouliez Eh bien, du coup, j'aurais aimé votre aide pour m'installer, me greffer ce bras. Parce que je ne peux pas le faire seul, malheureusement. Oui, bien sûr, venez, on va s'en occuper. Et tu les vois qui vous redirigent vers l'une des tentes. D'ailleurs, vous croisez le regard de l'un des... justement, celui que tu soupçonnais être leur supérieur. Le supérieur, ouais. Mais... Bon, il semble pas non plus s'attarder que ça. Il pose juste une ou deux questions à l'un d'entre eux qui leur explique... Le simple fait de voir que t'étais un confrère, Oui, bien sûr. Laisse évidemment rentrer dans l'une des tentes. Ils sont de base, c'est des hospitaliers, ils vont pas refuser. En effet, donc, vous rentrez à l'intérieur de l'une des pièces. L'une des espèces de petites tentes qu'ils ont installées. Donc, vous êtes tous ensemble. Vous voyez quand même que, de ton côté, Mokosh et Flux, ils vous demandent de vous maintenir un peu à l'écart, comme si on n'était pas sûr de la propreté que vous pourriez incarner. Et il vous tend des espèces de petits flacons de désinfectant pour les mains. Ne touchez à rien avant de... Bon, voilà. Et à ce moment-là, donc, toi, de ton côté théorique, tu vois qu'ils installent une espèce de... Pas de brancard, mais tu vois, de lit, on va dire, hospitalier dépliable. Mmh. Sur lequel ils vont déposer une espèce de long film... Et te demander de t'asseoir dessus. Je m'assois. Moi, je regarde bêtement mes mains gantées. Oui. Vous les lavez régulièrement, ces gants, j'espère. Silence. Tu lui réponds pas. Et de son côté, Torik, j'imagine que tu t'assois. Bien sûr, évidemment. Tu vois alors qu'ils vont te demander donc de te mettre torse nu et observe l'étendue des dégâts. Déjà tu vois que l'un d'entre eux est plutôt surpris. Waouh, malgré le coup que vous avez pris, je dois avouer que la blessure a été vachement bien prise en charge, félicitations. Oui, j'ai eu... Pas une seule trace d'infection ni quoi que ce soit, on voit que ça a été géré par un professionnel. Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai été pris en charge par des frères aussi oui. Qui étaient à côté. Tu vois, t'es là, t'as le moignon apparent, et en effet, ouais. On voit toutes les marques portées par le coup de biokinésis. Vous devriez prendre ça, tu vois, qui sort une espèce de verre d'eau avec quelques gélules à l'intérieur. Mmh. Il va falloir qu'on... Ouais, voilà. Bon, tu fais... Ouais, pour moi, c'est quelque chose de... Ouais, y a pas de soucis, je prends. Dites-moi, chroniqueur, dis l'un d'entre eux en se retournant vers toi, celui qui s'appelait Victor. Vous vous y connaissez un petit peu en ingénierie ? Oui, bien, je m'en sors pas mal, oui. Ok, parce qu'on va avoir besoin de votre coup de main. Nous, on va s'occuper, on va se charger de la partie médicale, tandis que vous, il faudrait que vous puissiez vous assurer la partie, disons, mécanique. Il va falloir qu'on relie cette partie et cette partie-là, visiblement, jusqu'au nerf de... Et là, tu les vois commencer à sortir tout type de scalpel. Après, je peux toujours essayer de lui donner un coup de main sur le sur ce que j'ai. Non mais Doric l'homme le plus. Non mais genre pour parler technique avant de me faire charcuter pour lui dire ouais. Converser. Oui, avant. Ouais. Après voilà. moi en mécanique je m'y connais. Un peu mal. Ouais. Bah, voilà. C'est pas bête du tout. Tu veux donner un coup de main en quoi En engineering. Engineering. Je vais me faire un jet avec un dé en moins parce que t'as commencé à prendre les médicaments et tu commences à avoir la tête qui plane légèrement. C'est qu'un début donc. Mais voilà, ça. J'ai un succès. Ouais. Une réussite. Vous voyez que Tori commence à vous parler, mais vous entendez. commencer à comprendre qu'il est en train de partir sans que vous. Merde, sans que vous vous rendiez vraiment compte. J'aurais dû faire ça en médecine. Ils donné plutôt puissant pour le coup. J'aurais dû faire ça en médecine. De ton côté, Mokosh, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Tu me tiens la main? Tu vas juste t'asseoir devant et regarder Toric se faire charger. Peut-être un sourire d'insistance. Ah bon? C'est une demande. En effet, j'avoue que vous avez l'air d'être la plus forte d'entre nous. Vous savez manier un scalpel? Là, je m'inquiète un peu. J'imagine que c'est pas différent d'un... Non, mais je veux dire, pour tout ce qui est précis, on va s'en charger, vous inquiétez pas, mais on aura besoin. J'avoue que bon, vous pourriez donner un bon coup de main pour la partie, disons... creusage. Ouais, allez, pourquoi pas, passez-moi la scie à os. Je vais voir le bras ici, dans la joue. Nous allons passer donc le reste de la scène pour des raisons évidentes de... avant que Toric parte complètement dans les vagues, je lui dis « Contente de t'avoir connu !» C'est vrai que c'est la dernière chose que tu t'entends. Et là, je lui dis « Connasse !» Et de sentir une première lame commencer à se planter dans ta chair au niveau du moignon. En effet, je vais vous passer tout ce qui concerne le sang, le pus, les nerfs et la partie mécanique qu'on va relier, mais on va se contenter quand même de faire quelques petits jets. De ton côté, Toric, je vais... Flux, je te vais demander un jet d'intellect engineering. Bien sûr. Que tu vas pouvoir combiner avec intellect focus. Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire les deux jets. Les deux vont être avec une difficulté de 4, ce qui est volontairement très difficile. T'en fais pas si tu rates, il sera pas paralysé à vie. Et par contre, tu vas cumuler les déclencheurs. Donc ça va être plutôt intéressant, on va voir à quel point tu vas réussir ton action si jamais tu l'as. Mon coach, je te demande pas de G. Trouver des corps, tu sais faire. À moins que tu comptes profiter du coma de Toric pour lui faire un petit tatouage. Ouh là là. Non. Ok. Ça me rassure. Coup, le premier jet passe pas, mais je vais quand même valider le jet. Parce que sur 8 réussites, tu m'as fait 7 réussites et 3 déclencheurs, ce qui est plutôt honnête. Merci. Toric, tu te réveilleras quelques heures plus tard. En effet, t'as d'abord une sensation assez étrange. Malgré le fait que tu sois encore un peu shooté, t'as relativement mal au niveau de l'épaule. Ensuite, la deuxième chose que t'entends, tu sais, en sentant la douleur, t'as un petit peu ce réflexe de crispation, et tu entends, suivi à cette crispation, une espèce de gros bruit mécanique. Hein. Évidemment, vous assistez tous là à la mobilité, j'ai oublié le terme, désolé, du bras. En effet, pour décrire un petit peu l'objet que vous avez installé, qui vous rappelle un petit peu une version, on va dire, un peu plus cyberpunkisée de ce que nous on fait aujourd'hui. C'est un bras donc mécanique qui va être relié au nerf de travers donc ton corps et qui ainsi en fait simplement va permettre de bouger à la fois les doigts, l'angle dans lequel tu vas tourner la main. Il y a une petite latence, mais c'est étonnamment précis. Attends, on imagine que c'est un objet qui a été créé avant 2095, donc d'ici 70 ans dans notre monde à nous, un peu plus même. Et tu vois que l'opération était plutôt bien aisée. Alors évidemment, il faudra suivre ça, mais assez rapidement, tu fais tourner le bras, tu arrives même à le redresser, tu arrives une première fois à déplacer un objet que tu lâches en cours de route, mais finalement à le ramasser par la suite. Tu trouves ça même d'une certaine partie fascinante. Un peu fascinant, pardon. Et tu vois Victor, l'hospitalier de tout à l'heure, vous faire bien félicitations à Monsieur Toricole. Vous voilà à moitié robot, si je puis dire. Merci. Félicitations. Merci, je dois dire que je suis assez stupéfait de ce que vous avez accompli. Eh bien, pour être honnête, c'était pas si difficile que ça. L'objet que vous avez trouvé était d'une conception relativement qualitative. Je sais pas où est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez fait pour mettre la main dessus, mais à 4 personnes, écoutez, on a réussi à vous l'installer. Alors après, c'est pas dit que ça tienne la longueur, mais... Non, ça fera le temps que au moins on arrive jusqu'au hôpital et une fois là-bas, j'irai faire vérifier tout ça. Mais je pense que vous avez fait un très bon travail avec le peu que vous aviez ici. Vous me donnerez vos noms et j'irai vous recommander une fois arrivé au hôpital. Bien sûr, vous êtes trop aimable. C'est normal. Moi, Victor Romberg. Victor Romberg. Donc je prends les noms de tous les gars. Victor Romberg. Et tu vois que le deuxième à côté de toi, lui, se présente Benedict Cole. Mais ça s'écrit pas du tout comme toi. C'est un gars de la famille. C'est un gars de la famille. Ouais, salut, Benedict. C'est mon cousin. Tu vois que donc, ce sont deux familles financiers qui sont là au niveau du camp. D'accord. En fait, une dernière chose pour... Au début, nous avons dû recharger l'appareil via le générateur du camp. Aucune idée de combien de temps est-ce que ça va durer, mais j'imagine qu'il faudra le réapprovisionner en énergie relativement régulièrement. D'accord. Sous quoi il pourrait tout simplement s'arrêter. D'accord. Alors après, je pense que c'est des autonomies plutôt importantes. À savoir comment la confection nous avait, que le chroniqueur a dû mieux comprendre ça que nous. Si je dis pas de bêtises, peut-être que Vonner devrait envoyer une puissance suffisamment élevée pour... Mais... Oui. Bon après, c'est une technologie que nous ne maîtrisons pas forcément, donc on verra bien. Mais merci, je vous remercie infiniment. Attention à ne pas tomber sur des apocalyptiques. Vous devrez, ça va valoir une sacrée valeur à leurs yeux désormais. Oui, mais vous savez, avec la combinaison et les gants, on devrait ne rien voir. On ne devrait pas transparaître. Tu mets ta combinaison, tes gants. Et même si d'ailleurs ça camoufle un peu le bruit, dès que quand tu replies ton bras, vous pouvez pas vous empêcher d'entendre un léger. Un son très mécanique où on sent qu'il y a plein de trucs qui se passent à l'intérieur. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'une fois que t'as remis ton gant et donc ta manche, enfin ton haut, comment dire, c'est pas flagrant en fait que c'est robotique, il y a juste un son étrange. Bon. Dans tous les cas, quels sont vos projets? Vous retournez à l'hôpital? Bien, je ne sais pas encore, nous n'avons pas encore discuté de ça avec mes amis. Parfait, parce que si c'est ça, il y a une caravane, un groupe de gens du voyage qui viennent de s'arrêter au camp pour faire soigner l'un d'entre eux, alors peut-être qu'il serait mieux pour vous de repartir avec eux. Et en effet, Flux et Mokosh, pendant que Torix se faisait opérer, vous avez un petit groupe de gens du voyage qui sont arrêtés au niveau du camp pour quémander l'aide hospitalière. Et qui disaient aller vers Justicienne également. Écoute, s'ils font un crochet par cathédrale pour rendre le cheval, bah écoute... Il y a de fortes chances qu'ils s'y arrêtent pour se réapprovisionner, mais je vous laisse leur demander. Bah vu que je suis un peu dans le gaz, je vous laisse les gars aller, parce que bon... Ouais. Je suis pas tout frais non plus, hein, je parle, mais... Ouais, mais on va aller voir ça. D'ailleurs, pour préciser, Torix est resté un peu plus de 24 heures, on va dire, dans le Comtar, le temps que l'opération prenne. Ce phase où vous avez mangé avec les hospitaliers, ils étaient relativement sympas. Tout s'est bien passé, l'opération s'est également été un franc succès, vous n'avez pas fait d'échec, vous n'avez pas fait d'échec critique non plus, ce qui aurait pu être assez drôle, mais vous avez bien réussi. Bon, a priori, en même temps, vous n'êtes pas allé voir les premiers pecnos du coin pour faire une opération de cette envergure. Ouais. Donc voilà. Tout s'est relativement bien passé et... Et que faites-vous donc ? J'imagine qu'on va aller voir. Ah oui, il faut aller voir les gens pour leur dire que... Il faut passer. Si tu préfères faire autre chose, dis-le. Vous en avez envie. De ce que j'ai compris, notre but était de retourner à Justicienne. Visiblement, c'est plus sécurisé. Et en plus, Jacquard est seul là-bas. Du coup, on va aller voir la caravane. Très bien. Tu sors de la tente. Et tu vois en effet garé sur le bas-côté du camp plusieurs roulottes. Par roulotte, j'entends des petites roulottes. Mais qui ont la particularité d'être faites de bois. Et ça, tout de suite, dans ta tête, ça résonne. T'as déjà... Toi qui es chroniqueur, tu brasses énormément d'informations. Tu sais qu'il y a des personnes comme ça qui, de temps en temps, émigrent vers Justicienne, depuis notamment le Purgaré ou la Franca, où les arbres sont beaucoup plus répandus qu'en Borca. Et justement, avec... ils vont par exemple se déplacer à peu près en roulotte. Ils vont traverser les chemins réhabilités par les Helvétiques, donc payer un peu en plus. Mais une fois qu'ils arrivent à Justicienne, en fait, ils peuvent revendre un peu leur maison de fortune, relativement chères parce qu'elles sont faites en bois et que le bois a pas mal de valeur. D'ailleurs, tu vois qu'il y a des gros, en effet, lopins de bois, de branches accrochées à l'arrière de certains d'entre eux ou sur les toits. Plus que visiblement n'importe quelle ressource. En bas, tu vois le peuple qui vit à l'intérieur d'entre eux. En effet, ce sont des clanistes, pour la grande majorité à grande vue de nez. Tu vois qu'il y a l'air d'avoir un couple avec des enfants. Tu vois également certains qui ont l'air plus solitaires. De nanas d'un côté en train de décharger certaines de leurs affaires, notamment de faire le point au niveau de leur vivre. Et une femme en train de fumer à l'avant, une vieille femme, avec une espèce de gros manteau en fourrure. En effet, elles sont habillées très chaudement. Et tu te doutes qu'en fait, elles ont gardé leurs vêtements chauds, en tout cas ces personnes en général, pour pouvoir se protéger des tempêtes de poussière qui ont lieu en Borca. Ça se voit parce que, notamment au niveau des capuches, où souvent il y a beaucoup plus de fourrure que sur le reste du vêtement, tu vois tous ces petits morceaux de grains incrustés à l'intérieur qui veulent pas partir. Même quand certains vont aller tapoter dedans, ils vont juste envoyer une espèce de petit nuage de poussière qui va tomber au sol, tout simplement. Dans tous les cas, tu as cette vieille femme qui est en train de fumer et qui voit clairement que tu t'avances vers elle. C'est pourquoi ? Je me présente, je suis Efflux, chroniqueur de naissance, et je suis accompagné de ce hospitalier et de cet anabaptiste. Nous vous avons appris que vous dirigez vers Justicienne, et c'est là aussi notre but. Je voulais savoir si c'était possible de partager le reste du chemin ensemble. Je vois pas le problème, on a un peu de place, et puis vous avez l'air plutôt bien armé, alors j'imagine que ce sera donnant-donnant. Si jamais on a un souci sur la route, je compte sur vous pour nous dépanner. Bien entendu. Vous voyez, on a été attaqué par des Gendos il n'y a pas si longtemps. Je vois. Le pauvre Go s'est fait mordre à la jambe, et tu vois qu'elle pointe de la tête. Il y a l'un d'entre eux qui semble un homme avec une forte carrure, pareil en tenue de claniste, avec une espèce de grand bandage autour de sa jambe droite. Il a une espèce aussi de fausse béquille, enfin de petite béquille en bois un peu improvisée avec certains des branchages qu'il a à côté. Ça n'a pas l'air grave et... Non. Ok, je disais, ça n'a pas l'air grave et du coup les spitaliers ont l'air d'avoir pris soin de sa blessure, donc ça évitera toute infection par exemple, notamment. Parce que les Gendos sont pas connus pour être les créatures les plus propres. Mais en effet, bon, ça a l'air d'être quand même assez impressionnant. Comme. Ce sont des sales bêtes, hein. Ouais, ça c'est pour sûr. J'en avais jamais croisé avant. Les saloperies, elles ont attendu qu'on soit les plus vulnérables pour s'en prendre à nous. Elles étaient là par dizaines. Je sais pas ce qui les a attirées jusqu'à nous, mais peut-être le goût de la viande. Heureusement pour nous, les deux filles là-bas, tu vois, elles te pointent deux membres du convoi, elles ont eu le bon réflexe. Les flammes ont éloigné les bêtes. Mais bon, on y a laissé une de nos roulottes. Enfin bon, vous avez l'habitude de les combattre, vous, ça? Oh oui. Oui. Bon, bah parfait. Si jamais on en croise d'autres qui nous ont suivis jusqu'ici, on aura besoin de votre aide. Il n'y a pas de souci. La défense ici est notre pas. Dites, on voulait faire une escale à la cathédrale, mais on a entendu dire que la ville avait été attaquée. Vous savez si ça craint d'aller par là-bas ou si... C'est assez sûr. L'attaque est déjà finie. Et la ville se remet tranquillement. Vous n'avez pas... à craindre plus de danger que ça. Parfait. Eh bien, on va se mettre en route d'ici quelques heures. On en a fini avec ce qu'on avait à faire. Le temps qu'on troque de trois vivres avec l'hospitalier, et puis on sera bon. Parfait. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous voudriez faire avant de repartir? Précisément. Avant de vous mêler au groupe. Non, juste... moi, être sûr que... Est-ce que... par rapport à ce que je viens de subir, j'imagine que je vais avoir un traitement pendant peut-être plusieurs jours à prendre des anti-inflammatoires pour... En effet, on t'a donné une dose de médicaments. Je ne suis pas revenu là-dessus parce que toi, tu les connais suffisamment pour ne pas faire d'erreur. Tu sais que tu ne vas pas faire de faux dosages ou autre. Et en plus, c'est cool, vu que tu es un très bon hospitalier, tu connais tout le manuel de médecine par cœur, tu vas relativement facilement pouvoir constater l'évolution de la plaie. Okay. Sans doute que de temps en temps je te ferai des petits jets de médecine pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe, ouais. Faire des petits jets de chance. Même si a priori vu que vous avez pris vraiment toutes les bonnes dispositions pour procéder à l'opération, mine de rien les risques d'infection sont assez faibles. Okay. Vous m'auriez fait ça dans la grotte directement la dernière fois, ça aurait été vraiment autre chose. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il faire quelque chose ou souhaites-tu faire quelque chose d'autre? Pour moi, je ne pense pas. Okoche, une révision? Une révision d'habit? Non, on peut se mettre en route. Moi, je reste quand même assez proche des clanistes pendant tout le temps, parce que bah, j'aime toujours ces gens-là, ils me passionnent. Et c'est de, tu vois, j'ai passé le trajet à discuter un peu à l'un d'entre eux, mais vraiment sincèrement, tu vois, d'écouter vraiment leur vie, ce genre de choses. Parfait. Pendant le trajet, tu discutes beaucoup avec la vieille Anna. Tu vois qu'en effet, le groupe s'est un petit peu formé au fil de la route. La plupart d'entre eux viennent soit de Purgare, soit de Franca. Et en fait, c'est des groupes qui se retrouvent à la frontière helvétique, qui ensemble se cotisent pour payer les droits de douane, de passage, ouais. Et ensuite vont voyager jusqu'à Justicienne. En effet, tu sais que leur principale peur, eux, c'est que l'hiver arrive, et qu'ils ont peur de se retrouver à court de vivres. Et la rumeur, plus ou moins, et l'aura autour de Justicienne indiquerait qu'il y aurait toujours une grosse réserve de vivres là-bas, et qu'ils seraient à peu près sûrs de pouvoir passer, on va dire, un hiver convenable, et en fait, leur objectif, c'est de s'installer justement là-bas. Tu discutes aussi un petit peu, notamment, avec le couple, donc composé de Bran et Sonia. Je peux demander une petite information à Anna, dans la conversation? Oui, bien sûr. Qui viennent de Franca et de Purgare. J'aimerais savoir si elle vient de Franca. Pour le coup, non, elle vient de Purgare. Ok, merci. Mais si vous voulez, j'ai un peu entendu parler du pays, si jamais vous avez une question. Non, c'est parce que je viens de là-bas. Ah, mais du coup, en effet, donc, vu que tu me poses un petit peu leurs questions par rapport à leur mode de vie, je pense que discuter avec le couple, ça va être l'une de tes premières choses à faire, parce que qui a plus de projets qu'un couple avec plusieurs enfants? Et eux, notamment, tu vas apprendre que leur objectif va être de s'installer en ville, et ils espèrent en fait pouvoir acheter une espèce de petit appartement cas au moins une pièce dans laquelle ils pourraient s'installer et vivre ensemble. D'ailleurs, tu vois Bran, qui lui est une espèce de grand brun avec une petite barbe, un peu une allure de chasseur, qui rigole un peu en disant que bon, on n'a pas trop l'argent, mais bon, normalement, si on arrive à avoir une petite pièce sans chauffage, on sera tellement serrés les uns contre les autres qu'on fera pas la différence, hein. Ouais, puis les enfants, ça se vend cher. Mokosh qui passe en moto, qui lâche des petits punchs. D'ailleurs, t'es à bord de ta moto ou tu l'as chargée à bord d'un des chariots? D'ailleurs, j'ai non, pas précisé. Je pense que je l'ai fait charger parce que si je vais à toute vitesse, ça sert à rien de faire rouler ma moto tout en ce moment. Tu fais des allers-retours, tu tournes autour d'eux. D'ailleurs, j'ai pas précisé les. C'est quasiment que des roulottes, y a pas beaucoup de chariots comme je viens de le dire. Ils sont tirés par des ânes qu'ils espèrent aussi revendre une fois arrivés sur place. Comme les enfants. Je vais quand même te demander un petit jet. En tout cas, tous ceux qui participent à cette discussion, je vais vous demander un jet d'intellect légende avec une difficulté de 3. Je sais que j'abuse. Est-ce que j'ai le droit à ce petit bonus, sous-entendu, vu que c'est des canistes et que c'est une passion pour les plus. Pas pour ça. D'accord. Pas pour intellect légende. Pour d'autres jets, pourquoi pas, en effet, mais. Alors, Mokosh, à ton mal, toi, j'allais dire 4. Et toi, c'est plus dur pour toi le jet. Parce que t'as été enfermé trop longtemps. Au courant des combos sur boursiers. Ouais, mais j'ai un déclencheur. 3 réussites, moi, un déclencheur. Oh, d'accord, j'accepte. Viens, je t'en prie. Y'a que Flux qui. Toi, lorsqu'il te raconte ça, malheureusement, au fond de toi, tu peux pas t'empêcher de penser que. Ils vont avoir beaucoup de mal à trouver un logement, même pour 4. Enfin, même serré à la justice tienne. C'est pas impossible, mais notamment vu que l'hiver arrive, tu sais que ça risque d'être assez compliqué. Avec les fronts et les guerres qui s'enclenchent, il y a beaucoup de gens qui quittent les petits villages pour essayer de se protéger en ville parce qu'ils savent que c'est là qu'ils seront plus en sécurité. Honnêtement, je leur en parle, mais sans être froid et sec comme Mokosh. Oui. Tu sais, je leur dis avec empathie, en mode il va falloir se battre, quoi. C'est une situation difficile. En effet, mais on sait pas comment faire. On va essayer de trouver, de toute façon, on n'a pas le choix. On mourra de froid si on n'a rien. À ce moment-là, en effet, tu vois Sonia qui, elle aussi, a l'air un peu dépitée. On le fera pour les enfants, on a toujours trouvé une solution et on trouvera. Bran est un bon chasseur, ça doit être vachement cherché ça dans le coin, non? De ce que je sais, c'est pas particulièrement cherché dans le sens où il y a déjà des gens qui remplissent bien le rôle. Malgré tout, essayez qu'ils ne tentent rien à rien et je vous souhaite tout le bonheur de trouver plus rapidement. Je vous remercie. Tu les vois en effet qui à ce moment-là se tiennent un petit peu la main, tu sais. Et se regardent, et tu ressens en effet cette espèce de passion qui les anime et qui fait que jamais ils lâcheront le combat qu'ils ont commencé et qu'ils feront tout pour leurs enfants. Je les regarde et je leur dis de mon côté, j'essaierai de voir si je peux faire quelque chose pour vous. C'est gentil. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je sais pas trop en quoi on pourrait vous être utile, mais voilà, si jamais, pareil, vous entendez parler de travail ou autre une fois en ville... Oui, vous inquiétez pas, j'essaierai de voir ça de mon côté. Si vous avez besoin, sachez que j'ai une sorte d'atelier en ville avec quelques ferrailleurs. Je ne vous promets pas de pouvoir vous trouver tout le temps du travail, mais si de temps en temps, mettre la main à la pâte peut vous aider, je les vois qui vous saurez vous trouver. En effet, il y a Bran qui dit... En effet, je suis plutôt bon tireur à l'arc, plutôt bon, tireur à l'arc. Qui sait, peut-être que quelques ferrailleurs pourraient avoir besoin d'escorte pour partir en mission. Oh, surtout donc, en ce moment avec les cafards. Ils ont l'air de plutôt bien vous apprécier. D'ailleurs, je vais quand même te demander pour la forme, Flux, même si je préfère faire ça au RP par rapport au gérer les relations, un petit jet de charisme, je pense expression. Je pense que c'est le plus adapté pour essayer d'être... De leur faire ressentir que t'es proche d'eux. Dans tous les cas, même si jamais tu le rates, ça voudra pas dire que leur relation va pas évoluer. Je pars du principe que le RP a suffisamment été... Et là, vous aurez l'image de Flux en mode sympathique. Ah là, t'as ta tête sympathique, j'avoue. D'ailleurs, toi, Mokosh, tu vois... Le petit garçon, donc leur petit-fils qui a l'air d'être l'aîné, qui s'approche de toi à un moment et commence à tirer un peu la manche. Et fait « Vous êtes une vraie Anna Baptiste ?» Oui, C'est une question stupide, il n'y en a pas des fausses, manière. Et vous avez combattu les Jedi à méthane? Plusieurs, oui. Vous les avez tués? Tu vois qu'il demande ça presque trop innocemment, tu vois, il réalise pas vraiment ce qu'il est en train de te demander, mais... Certains. Avec votre épée? Oui, oui. Et il y avait du sang? Ouais, ouais, il y en avait pas mal. Il y avait... Faut dire que quand tu coupes un homme en deux, il n'y a pas que du sang. En réalité, dans un homme, il y a un peu plus que ça. Il y a des organes, des entrailles. Je sais pas, t'as déjà tué un petit animal pour te nourrir ou un truc comme ça? Mon papa, oui. Ok, bah t'as vu tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un animal? Bah c'est un peu la même chose, en plus gros et... en plus palpitant aussi, parce que c'est juste le moment où il meurt. Waouh. Et te regarde passionnellement. Et puis d'un coup, tu vois sa sœur, elle, sur la roulotte, jouer avec un truc, et puis il repart dans sa direction en faisant hey, « Eh, c'est pas à toi, ça !» Bref, des gamins, quoi. Et Flux, en effet, du coup, en vue la réussite relativement spectaculaire de ton jeu, 5 réussites et 2 déclencheurs, c'est très très bien. À force de discuter avec eux, tu remarques, en effet, qu'ils sont relativement... sympa. D'ailleurs, je vais vous faire un petit peu la liste de tous des gens qu'il y a. Donc, il y a la vieille Anna, comme je vous l'ai dit, il y a le couple et leurs deux enfants. Et il y a également un mec qui a l'air un peu solitaire, dont vous ignorez le nom d'ailleurs. Enfin, non, si vous entendez en parler, il s'appelle Emric. Il y a Hugo, qui est celui qui a été blessé. Qui, comme je disais, est un homme à forte carrure. Emric, lui, c'est un petit peu une espèce de vieux loup solitaire. Vous voyez sous ses vêtements, il a l'air d'avoir des espèces de tatouages un peu marins. Vous savez pas trop d'où il vient, donc ça pourrait être intéressant de discuter avec lui. Et enfin, vous avez deux nanas qui se présentent comme étant des sœurs. Ce sont Isabelle et Frédéric. C'est Emric, le vieux loup solitaire. Ouais, exactement. Donc là, on est sur la route, ça y est, on est parti en direction de... D'ailleurs, vous arrivez au final à Cathédrale, vous ne mettez pas énormément de temps à arriver. Toi, tu sens durant le voyage, tu sais, des fois, tu te mets un petit peu en retrait et t'actionnes légèrement ton bras pour essayer de voir tout ce que tu arrives à faire. Tu vois que t'es assez limité, mais en plus de 6 mois, t'es enfin en train de redécouvrir des vraies sensations de... Même si tu sens pas vraiment le bout des doigts, t'arrives à faire des choses. Je peux refaire ça, les gars. Cool. Et... truc qui se cure le nez. Lui qui était si propre sur l'hygiène. Bon, après, t'as toujours ton autre main. Mais voilà. Mais j'ai le nez propre, hein. La cathédrale. Je vais rendre le cheval, au passage. Okay. En 150 lettres de change, le cheval est en parfait état. Il est en parfait état. Pas de rayures. Oh, il est pas tombé, c'est pas tordu une patte, il est pas... Tout va bien. Donc ça m'a coûté 50 lettres de change. Et une fois que j'ai fait ça, je vais me rendre voir le collectionneur. Ouais. Je rentre dans sa boutique. Est-ce qu'il est là? Tu vois qu'il salue. En effet, il est là. Bonjour, monsieur. Je sais pas si vous souvenez moi. Si, bien sûr. Je suis venu vous donner ceci. Et là, je tends mon bras en plastique. C'est vrai que tu lui avais dit que tu le rapportes. Eh ben oui. Tu vois qu'il ramasse et qu'il fait. Vous êtes un homme de parole, j'apprécie. Voilà. Il se gratte légèrement le dos avec, tu sais, en le tenant. C'est parfait, je vous remercie. C'est rare une telle honnêteté de nos jours. Et là, je lui serre la main, mais avec mon bras... Mécanique. Ah. Fais-moi un petit jet avec ton D6 et dis-moi si tu fais... fais-moi un jet avec un dé normal et dis-moi si tu fais une tête de mort. Ah non, je vais pas lui casser la main, quand même. Non, non. Non, je fais un déclencheur. Ok. Bon, tu vois que ton bras s'ouvre et se referme parfaitement. Ça aurait été drôle de rester bloqué. Je lui dis je vous remercie pour le conseil et le tuyau du coup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Mais d'ailleurs, c'est pas vous qui étiez avec une Anna Baptiste? Oui, pourquoi? Elle faisait quelle taille à peu près? Tu vois qu'il jauge à peu près que sa main. À peu près comme ça, non? À peu près comme vous. Oui, pourquoi? Je veux dire. On est à quoi, 20 cm près? Tout au plus. Pourquoi? Pourquoi cette question? Mais vous voyez, j'ai un ami qui est un peu dans le besoin et qui pourrait avoir besoin d'un modèle. Vous savez, les cafards, ces satanées bestioles, Ils ont détruit toutes les statues qu'il y avait à l'entrée de la ville, et il y en avait une qui représentait une anabaptiste, justement. Et mon ami, qui est sculpteur, on lui a demandé de la reconstruire, mais il aurait besoin d'un modèle d'environ 1m60. C'est juste pour faire quelques croquis, on vous paiera. Écoutez, il faudra que j'aille lui demander, je vous promets rien, en tout cas. Ce serait pour dépanner un habit. Je vais lui demander. Parfait. Je ne vous promets rien, par contre. Vous pouvez pas le rater, il se trouve juste au niveau des entrées de la ville. Ok, bah du coup je m'en vais, j'ai eu cette bon vent, et je vais rejoindre Mokosh. Salut Mokosh, alors, ça va pour toi? Ça va. Dis-moi, je viens d'aller voir le collectionneur là pour lui rendre son bras, mon bras. Il m'a demandé quelque chose. En fait, ils auraient besoin d'une anabaptiste. Disons que une des statues représentant une anabaptiste a été détruite lors de l'assaut des cafards. Seulement, ils ont personne pour faire pour refaire la statue. Et il m'a demandé si tu étais intéressé contre quelques lettres de change pour être la future statue, en fait, pour qu'il fasse des croquis de toi et que tu sois la représentante des anabaptistes de cette ville. Tu seras immortalisé dans la cathédrale. Bof, ça me paraît pas très intéressant. Écoute, je lui ai dit que je t'en parlais. Je lui ai dit, je lui ai pas promis quoi que ce soit, donc si tu veux, tu veux. Si tu veux pas, ben on s'en fout. Et on s'en va. Ouais, pas besoin. J'ai pas prévu de faire trop de vagues, surtout vu de là dont je viens de sortir. Après, je précise quand même, c'était pas forcément toute la statue avec le visage non plus, mais... Ouais, il aurait eu les proportions. Ouais, exactement. Vous décidez donc de repartir en élection justicienne. Avec le reste du groupe. Eux, ils ont fait leur petite pause, ils ont troqué un petit peu ce qu'ils avaient à troquer à Cathédrale. Ils ont notamment récupéré pas mal d'eau, on considère qu'elle est relativement bonne, elle n'a pas encore fait de trajet, elle n'a pas encore été transportée, celle de Cathédrale. Et vous retournez donc sur la route. Avec qui souhaites-tu discuter, notamment Flux, durant ce reste de trajet? Est-ce que tu veux reparler avec les mêmes personnes? Est-ce que cette fois-ci tu veux peut-être pas t'adresser aux autres? Et vous autres, est-ce que vous avez des choses à faire? N'hésitez pas, si jamais vous souhaitez faire des choses pendant le travail. Moi, perso, je me repose parce que l'opération m'a quand même... Ouais. Toi, tu vois, t'as une place toujours disponible dans moins une des roulottes. Ça. C'est quasiment, en fait, comme je dis, des toutes petites roulottes tirées par des ânes. Tu peux à peine y mettre une personne. Mais c'est vrai que c'est pas si désagréable que ça de juste pouvoir t'allonger sur une espèce de couverture qu'ils ont déposée. Ouais. Clairement, moi, je leur pose. Des bibelots qu'ils ont accrochés à l'intérieur, des gousses d'ail, des trucs qui viennent de tu sais pas trop où, des herbes différentes. Puis bah voilà, c'est ça. Moi, je dors. Je leur pose. Ok. Moi, j'aimerais parler à quelques personnes. Ouais. Je vais diviser mon temps avec de Emmerich. Mm-hmm. Parce que un vieux loup a forcément des histoires intéressantes à raconter. Et... ouais, je vais parler un peu aux sœurs Isabelle et Frédérica. Ok. Tu commences par discuter avec le vieux loup de mer. Tu vois qu'au début, il est un petit peu grincheux, un petit peu réticent, il a du mal à s'ouvrir. Mais assez rapidement, tu arrives à le mettre dans la confiance, je te demande même pas de jet, je sais que tu vas y arriver. Et tu vois qu'il dit qu'en effet, il a fait partie d'un équipage. Ah, vous savez, moi j'ai écumé la Méditerranée, hein, c'était pas facile. Entre les apocalyptiques qui menaçaient de s'en prendre à nous à n'importe quel moment, les Africains qui, également de leur côté, menaçaient à n'importe quel moment de nous couler, juste pour le plaisir. Tout ça pour être payé, quoi. Quelques lettres de change à peine, le poisson. C'était vraiment pas très intéressant, alors bon, vous savez, j'ai arrêté et je pense que je m'en sortirais bien mieux à Justicienne. En tout cas, j'espère. Vous comptez y faire quoi là-bas? Je sais pas trop, j'espère que ma connaissance... vous savez, les bateaux, maintenant, ils sont plus mécaniques que ceux qu'on peut retrouver vraiment directement dans les ports. Sinon, ils tiendraient pas quelques journées en mer à peine, alors... Je sais pas, j'espère que je pourrais choper un peu de travail. J'ai entendu dire que ferrailleurs avaient l'habitude de se retrouver dans une espèce de bâtiment et qu'ils y construisaient des trucs, alors peut-être que, je sais pas, ça m'irait bien, ferrailleur. Se balader seul, personne pour venir vous emmerder. C'est pas trop. Je pense que c'est un très bon choix. Je travaille moi-même avec des ferrailleurs. Ce sont des gens très sympathiques et leur connaissance des matériaux est toujours passionnante. Si un jour on les passait d'ailleurs dans mon atelier, la porte est toujours ouverte à des gens. T'es volontiers. Et tu vois, tu lui donnes également l'adresse de ton atelier. D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment décrit, mais tu vois, c'est vraiment ce que je disais, un petit peu ce cliché du vieux loup de mer. Tu vois, tu l'as identifié assez rapidement. Un mec un peu abougri, un peu âgé. En effet, tu vois que le sel a pas mal attaqué sa peau. Tu reconnais ça assez distinctement. Il a la barbe grise, tout comme ses cheveux. Tu vois quand même quelques reflets qui pourraient t'indiquer qu'elle était légèrement rousse à l'époque. Il porte des vieux fringues, en effet, qui sentent pas très bon. Tu te demandes si c'est pas ceux, justement, qu'il portait quand il était en mer. Visiblement, il doit être sans dessous et il doit pas avoir une énorme garde-robe sous le côté. Tu sens également qu'il sent un petit peu le tabac, tout comme la vieille Anna. Et je vais quand même te demander un jet de charisme, expression. Tu vois qu'à force de discuter, au bout d'un moment... Ouais, et puis vous savez, hein, moi j'en ai vécu des choses. Vous savez que j'étais hospitalier à l'époque. Ah bon ? En effet, au moment où il dit ça, d'ailleurs je précise un petit peu, la nuit commence légèrement à tomber, tu vois, genre les gamins sont en train de dormir et personne vous entend discuter, vous êtes juste en train de parler depuis un bon moment. Ça n'a rien à voir à faire du froid. Ouais. J'ai été hospitalier pendant quoi ? 30 années de ma vie, quasiment. Et bah croyez-moi, je regrette pas les arts qui... Il s'est passé quelque chose ? Ouais. Ils se vendent comme les défenseurs du monde, mais croyez pas à leurs paroles. Hein. Un jour, il y a eu un truc un peu compliqué. Il y avait un membre important des juges, un sénateur, dont la fille a récupéré une grave maladie et devait être opérée en urgence. J'étais le médecin chargé de l'opération. On nous a demandé, vous me croirez ou pas, de la faire passer prioritaire. On avait d'autres patients sur la liste, mais madame était fille de sénateur, alors vous comprenez, c'était pas pareil. Et malheureusement pour moi, on n'a rien pu faire. J'ai beau essayer de convaincre son père que elle était condamnée et qu'on a fait tout notre possible pour la sauver, mais il a pas voulu y croire. Et bien vous savez quoi, les hospitaliers se sont rangés de son côté. Quelques jours après, je recevais une lettre me disant que j'avais été muté dans un petit village, paumé en plein milieu du sud de la Borca. Il n'y a rien de plus déshonorant pour un hospitalier que d'être envoyé comme médecin de ville à un endroit inconnu où personne ne vous verra, où vous irez crever seul à vous occuper des gens malades. Ces types me dégoûtent. Alors je me suis barré. Je comprends. Ce genre de manigance est malheureusement bien commune dans notre société. C'est ça. Ils ont comme les défenseurs du monde, mais ils en valent pas la peine. D'ailleurs, en parlant hospitalier, il faudrait qu'on mieux comprenne nos précautions. À ce moment, tu vois qu'il fait quelques mètres sur le côté, et qu'au niveau de sa roulotte, allume une espèce de petite lampe. Bleue. Ça attirera les insectes. Ça évitera qu'on ait trop de sport avec nous une fois qu'on arrivera en ville. Ça serait bête qu'on crame d'autres cargaisons avant même d'avoir franchi les portes. Très bonne idée. Je vous remercie, c'était gentil, c'était gentil de m'avoir écouté. Oh, mais vous savez, c'est tout naturel. J'ai vu que vous voyagez avec l'un des leurs, d'ailleurs. Comment il est au quotidien ? Je dois vous avouer que notre relation est entre soi assez récente malgré tout, même si ça fait maintenant des mois que nous nous connaissons. C'est un hospitalier très intègre. Je pense que il y a peut-être un futur comme le vôtre, ou peut-être finira-t-il par entrer dans les jeux des hospitaliers. Mais à l'heure actuelle, ça m'a l'air d'être un homme bien. Seul le destin nous le dira. Hein. Moi, je vous laisse retrouver votre ami. Et à ce moment-là, tu vois qu'il redirige l'autre. D'ailleurs, de pendant ce temps-là, Mokosh, est-ce que tu fais certaines choses en particulier ? Non, j'avance. Ok. un moment, donc alors que tu avances, tu vois Flux te rejoindre un petit peu, et puis vous marchez ensemble quelques temps. Et puis à un moment, vous entendez derrière vous. Bon, on tourne la tête, moi je tourne la tête en tout cas. Tu te retournes et tu vois Hugo, le gars avec la jambe blessée, qui depuis le matin est assis sur sa roulotte. Allez voir. Je ralentis pas pour me retrouver à son niveau. Ok. Écoutez, j'ai besoin d'un coup de main et je sais pas à qui je peux m'adresser. Vous êtes les derniers à nous avoir rejoints, alors je sais que je peux avoir confiance en vous. De plus, j'ai vu que vous étiez plutôt proche des autres membres du convoi. Voilà, je sais pas si on vous a un peu parlé de moi, mais j'ai rejoint le convoi au sud de la Borca, au niveau de la forteresse helvétique, et je leur ai dit que, tout comme eux, je projetais de vivre à Justicienne. Mais c'était pas vrai. En fait, j'habite déjà à Justicienne. Vous voyez, évidemment, quand ils vous parlent, ils vous parlent très très bas. Personne d'autre entend. Je suis un juge sous couverture. Ouais. Vous voyez, il se trouve que j'étais chargé d'une mission. On est quasiment sûr, à Justicienne, que dans le groupe de voyageurs où vous vous trouvez actuellement, se trouve un des plus tenaces trafiquants de brûlures qu'on ait jamais connu. Ça fait des mois qu'il se balade de ville en ville, et que dès qu'il passe quelque part, les cargaisons sont refourguées. Il en rachète, il en revend, mais impossible de savoir qui c'est. Le problème, c'est que ça... c'est qu'avec cette jambe, ça va être difficile pour moi de continuer mon enquête. J'imagine qu'il pourrait trouver les affaires de tous les gens qui se trouvent ici et je ne saurais pas quoi faire. Alors voilà, je me disais que si vous pouviez me filer un petit coup de main d'ici à ce qu'on arrive... On va pouvoir... Pourquoi pas. Si on a des informations, mais je ne vous garantis rien. Quel genre de coup de main? Eh bien, si vous m'aidez à le trouver, je peux vous dire les informations que j'ai déjà pu récupérer en revenant. Eh bien, on partage la somme. 50-50. On verra ce qu'on peut faire. Honnêtement, je ne peux que parler avec eux. Donc, je vous garantis pas que ma parole suffira. Au moins de 24 heures, on devrait arriver devant Justicienne, alors il va falloir faire vite. Raconte ce que tu sais, alors. J'ai deux suspects principaux. Le vieil Emmerich, je le trouve bizarre. Vu sa tête, ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Mais j'ai rien pour le prouver. Ensuite, il y a Anna. Pas sûr, mais il y a un soir où je l'espionnais depuis ma roulotte, je faisais semblant de m'endormir. Et je suis quasiment sûr d'avoir vu s'enfiler un bourgeon. Tout droit sorti de sa poche, qu'elle a ensuite jeté au loin. J'irais bien faire un tour dans sa roulotte pour fouiller, mais elle est toujours à côté. C'est elle qui mène la tête du convoi, alors ça se verrait tout de suite, mais je pense que la plupart des gens dorment actuellement. En effet, vous voyez qu'en face de vous, la plupart des gens dorment, il y a juste 2-3 personnes qui sont toujours debout pour évidemment à la fois faire le guet et vérifier que tout se passe bien. Quant aux deux sœurs, j'ai pas encore eu le temps de leur parler, alors je sais pas si elles pourraient en faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je vais voir. J'avoue que je n'ai pas posé la question initialement. Ouais. Dans des conversations précédentes. À ce moment-là, d'ailleurs, tu vois qu'il crache par terre. Fait chier, putain. Je suis quasiment sûr que ce salopard a vendu encore une cargaison une fois arrivé à la cathédrale. Mais évidemment, j'ai pas pu le suivre. J'avais projeté de suivre la vieille en filature. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont fait une fois arrivé là-bas. Bon courage, en tout cas. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Je m'éloigne. Et je regarde si Mokosh me suit. Ouais, bah je vais le suivre. D'ailleurs, Mokosh, toi, tu vois quand même à ton air, il te fait... Si jamais vous le trouvez, lui faites pas de mal, hein. Pourquoi? Il te le faut vivant? En fait, je vois que je m'en fous un peu de l'identité du coupable. Tout ce que je veux, c'est être sûr que ça recommence pas et avoir ma promotion. Donc si vous me le ramenez vivant, ça me va, mais juste me le tuez pas, s'il vous plaît. Ça peut être un salopard, il mérite pas ça. Contrairement à d'autres. Ouais. Je continue à m'éloigner du coup de nouveau, pour retrouver Flux. Tu le vois juste à la fin bouger légèrement sa jambe et faire une espèce de crispation de douleur. Qu'est-ce que vous faites? Peu de temps après, Torik, je pars du principe que tu te réveilles et que les autres te mettent au courant de ce qu'ils ont entendu. Ok. Il y a un vendeur de bourgeons ici, faut le trouver. Non. On peut pas laisser une telle merde circuler dans Justicienne. Torik, écoute, je ne connais pas très bien Abby, mais il me semblerait qu'en tant qu'apocalyptique, il y a de fortes chances qu'elle traîne là-dedans aussi. Alors ne fais pas d'hypocrisie maintenant. Et ces gens-là sont des gens sans le sou, qui vivent comme ils peuvent. Vous allez juste avoir une mort sur la conscience en agissant. On peut chercher qui c'est. Essayer de lui parler, peut-être lui dire d'être discret dans les temps prochains. Peut-être même lui faire une leçon de l'oral. T'as tout à fait raison, cher hospitalier. Mais l'empêcher d'agir totalement, c'est le condamner à une mort certaine en dehors des vies du justicier, mourant de faim. Il y a bien des moyens plus honnêtes de gagner sa vie. Vendre des bourgeons, ça va un temps, mais... Oui, ça va un temps. Nous sommes dans ce temps-là. Oui. Je ne t'interdis pas de lui faire la morale et de lui expliquer le danger des bourgeons et de ce qu'ils propagent. Je dis juste que là, le dénoncer pour ce juge me semble être avoir des conséquences beaucoup trop sévères vis-à-vis de ces honnêtes gens. Après, rien ne nous dit que les gens avec qui ils sont sont mêlés à ce trafic et que peut-être ils ne sont au courant de rien. Il y a des chances. Après tout, c'est un groupe qui s'est réuni sur le chemin d'arriver jusqu'ici, donc ils ne se connaissent pas depuis bien longtemps. Voilà. Donc rien ne nous dit que tous soient mêlés à ce trafic. Je maintiens ce que je dis quand même. Je vous demande juste un peu d'être de mon côté pour une fois. Je vous suis volontiers dans toutes vos aventures et vos prises de décision. Mais celle-ci concerne des gens qui sont bien souvent oubliés par la société, voire haïs. Je suis bien heureux d'ailleurs que Jacquard ne soit pas là ce soir. Donc, pour cette raison, laissez-moi cette affaire. Laissez-la s'oublier. Et je vous redresserai ça le moment venu. Je veux bien fermer les yeux, mais si jamais tu trouves qui est cette personne, j'aimerais pouvoir lui parler et lui dire... Ça, je te l'autorise. Voilà. Je veux juste pas qu'on communique le nom au juge. Et toi, Mokosh, t'en penses quoi de tout ça? Oh, je pense qu'on peut se débarrasser de la cargaison sans avoir à se débarrasser de la personne qui l'a. Ouais, mais toi, je te connais. Quand tu vas te dire débarrasser de la cargaison, tu vas te la garder sous le coude. Et moi encore derrière, il va falloir que je vérifie. Hein? Depuis tout le temps. Qu'est-ce que c'est là? Depuis le temps qu'on se connaît, tu sais à quel point. Déjà, j'étais plutôt assez chiant avec Abby là-dessus. Mais je vois que depuis quelques temps, tu prends le chemin. Tu prends son chemin. Et ça va pas du tout, ça. Torik. Waouh. Non, mais tu sais que... Je pense qu'il vaut mieux que tu profites du temps de sommeil que t'as encore avant d'arriver à Justicienne. Non, mais tu sais que ça m'embête. C'est un sujet sur lequel j'ai du mal. Je suis hospitalier tout de même. Même si je suis plutôt soft par rapport à mes camarades, ça reste quand même quelque chose. Et je sais le mal que ça peut provoquer chez les gens. Et tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça m'embêterait qu'il t'arrive de mauvaises choses à cause de cette putain de brûlure. C'est pour toi que je dis ça. Après, d'accord. Enfin bon. D'accord. Bon, je me rallonge un petit peu. Hein. Sous les conseils de Mokosh, en effet, du coup, tu te rallonges de ton côté. Allez-vous enquêter pendant la nuit? Est-ce que vous attendez le lendemain matin que tout le monde soit réveillé pour discuter tranquillement avec eux comme vous l'avez fait pour l'instant? Encore une fois, vu que c'est un petit peu qui est un peu espacé, vous pouvez largement parler avec les gens, sans que ça se sache. Après, si jamais vous voulez inspecter pendant la nuit, fureter, tout ça... Ça dépend. Est-ce que Anna est couchée à l'heure actuelle ou pas? Alors, Anna, non. Elle est pas couchée. Bah... D'ailleurs, depuis que nous voyageons ensemble, t'as l'impression que c'est la seule qui n'est jamais dans sa roulotte. Tu sais pas depuis combien de temps elle est veillée, mais elle est toujours là. En même temps, celle qui gère le convoi, je sais pas tant. Bah, du coup, je vais lui parler à elle maintenant. Et je ferai les autres au réveil pour pas les déranger en pleine nuit. Très bien. Tu te rapproches donc d'elle et tu vas lui discuter. Alors. Lorsque tu arrives à elle, tu vois qu'elle est en train de fumer. Alors, chroniqueur. Vous pouvez m'appeler Flux. Flux. Vous avez du mal à dormir ? Vous pensez au gnome ? Non, les gnomes. Ne m'inquiète pas trop, j'ai confiance dans la force de frappe de mon groupe. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. J'en suis. Au-delà un grand sentiment de sécurité. Au-delà de ça, tu sais aussi que là, vous commencez vachement à vous rapprocher de la zone. Et qu'avec tous les convois militaires qui font que passer, il y a peu de chances en effet que vous croisiez. Qu'est-ce qui vous amène alors ? Oui. La causette ? Mais oui, Mokosh m'accompagne, je considérais ça. Mokosh, tu rejoins le groupe aussi. Hein. Tu vois qu'elle te adresse à peu près les mêmes questions qu'à toi, qu'à KF. Bien. C'est-à-dire que nous avons eu une conversation avec l'un des membres de ce convoi. Et. Je vais vous parler franchement, parce que j'ai parfaitement confiance en vous, comme je peux faire confiance à cette personne pour ce sujet-là. Cette personne-là suspecte l'un d'entre vous, dont vous, de vendre de la brûlure de ville en ville. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas du tout l'intention, ni moi, ni aucun de mes amis, de l'énoncer comme nous l'a demandé cette personne. Bien au contraire. Je connais les conditions de vie, ce genre de choses, et mis à part une petite conversation avec mon ami qui va vouloir faire une petite morale, mais ça va durer 5 minutes, et après il va partir. Il n'y aura aucune conséquence au fait que je sache qui c'est. Je n'ai vraiment aucune intention de faire du mal à qui que ce soit dans ce convoi. Que ce soit vous d'ailleurs ou quelqu'un d'autre, si vous savez l'identité de. Peut-être d'une autre personne. Je vais te demander un G. Là, pour le coup, ce que tu fais, c'est assez osé. Oui, mais je suis. Est-ce que Mokosh, tu souhaiterais appuyer les dires de Torik d'une manière ou d'une autre ? Reflux. Reflux, décidément. En tout cas, j'appuie pas verbalement. Ok. Mais je fais de mon mieux pour avoir une position. Pas intimidante, mais genre qui met en confiance, je dirais. Ouais, je vois. Fait, tu te. Voilà, t'es pas crispé sur ton épée. Pas de son, je pense. C'est pas vraiment ce que. T'avais l'intention de faire. Alors, je vais te demander dans ce cas-là un jet de charisme, ça c'est sûr. Ouais, je regarde exactement parce que c'est assez précis ce qui est en train de se faire là, c'est assez étonnant. Ce que je me dis, c'est pas de la domination, parce que domination, ça. Engendre un peu l'intimidation, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, justement, il y a une espèce d'accord qui se fait, mais c'est pas vraiment la négociation que j'ai l'impression. Non, j'allais dire leadership, mais non. Bah, leadership, c'est très spécial, je saurais pas. En vrai, j'ai envie de dire, c'est à toi de choisir entre négociation et séduction. Moi, ça revient même pour moi. C'est sûr que c'est pas art, c'est sûr pour le coup que c'est pas. En même temps, considération, ça marcherait aussi bien, quoi. C'est vrai que c'est assez très précis. Ouais, ça peut être de l'empathie, hein. Je fais preuve d'empathie en discutant comme ouais, ça. Ouais, après, empathie, ils en parlent plus comme quelque chose pour lire quelqu'un. Ouais. Ah, d'accord. Mais c'est la définition d'empathie. En vrai, je veux dire plutôt. C'est vrai que séduction sert vachement à faire. Il y a marqué obtention d'informations. Je pense que c'est le plus approprié actuellement. Et je vais te donner un bonus de 2D. En séduction ? Ouais. Ok, merci. Je fais des jeux incroyables ce soir. Profite, dans 2 semaines ce sera pas pareil. Il va faire les sujets dégueulasses mais en combat. Ah ça totalement. 2 déclencheurs. Oh putain, mais 5 réussites et 2 déclencheurs. J'avoue que pour une difficulté de 3 c'est vachement bien. Ouais. 2 fois. Ouais. Elle s'arrête de fumer, tu vois qu'elle éteint son truc. Ok, je vais tout vous dire. Elle ouvre son manteau. Et sur le côté, tu vois en effet dans une petite poche, elle sort un petit sachet dans lequel se trouvent 2-3 bourgeons de brûlure. J'avoue que la consommation m'aide à rester alerte. C'est un truc venu d'Ibrispanie, je sais pas ce que c'est, mais ça fait l'affaire. Maintenant, constatez par vous-même, il n'y a pas assez pour que je puisse vendre ça, c'est juste de la consommation personnelle que j'ai achetée ici et là. s'il y a vraiment quelqu'un qui transporte une grosse quantité, je dois avouer que je n'en ai pas entendu parler. Sincèrement. Et j'aimerais vous aider, vous m'avez l'air relativement sincère. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai là. Rien de plus. Vous m'aidez déjà. En tout cas, du coup, vous devez... Oui. Non, j'allais dire, ça m'a aidé à sentir l'attaque des Gendos. Sans ça, on aurait pu y laisser bien pire qu'une jambe. Si jamais vous voulez en prendre un ou deux bourgeons... Ça vous a permis de voir plus loin dans le temps ? J'ai eu une étrange sensation, comme si... Je sais pas comment expliquer. Vous savez, ce moment où vous vous retrouvez seul dans une pièce et vous sentez qu'il y a quelque chose derrière vous et qu'au moment où vous tournez la tête, vous apercevez une espèce d'araignée énorme sur le mur. Cette intuition qui vous prend au plus profond des tripes. Alors, j'en avais consommé très peu pour essayer de tenir tout le chemin, mais... Ouais, on aurait dit quelque chose d'un peu comme ce que vous avez dit. Comme si j'avais su qu'ils allaient arriver. Après, je sais pas ce que ça aurait donné si j'en aurais pris plus d'un coup. Et vous achetez ça n'importe où ? Sur votre chemin ? Celle-là est plutôt chère parce qu'elle vient de plutôt loin, mais en effet, on peut en trouver dans quelques méandres de quelques coins apocalyptiques. Celle-ci est relativement rare, vous savez, d'habitude... Bon, je vais pas me vanter, mais dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'en essayer des drogues et... Soit ça vous provoque des bouffées de chaleur, soit vous avez l'impression de devenir hyper active d'un seul coup, mais ça, c'est, j'avoue, la première fois. Il y en a une qui était assez marrante aussi, qui donnait une espèce d'aphrodisiaque intense. Je peux vous dire que cette nuit-là restera gravée au fin fond de mes mémoires. De ma mémoire. Vous avez le droit d'être plusieurs. Non, pour le coup, c'était vraiment une faute du MJ à l'oreille. Du coup, ouais, voilà, tu vois que vu qu'elle a relativement confiance en toi, parce que t'as fait un jeu relativement bon, elle te propose de consommer, en tout cas, elle vous propose de consommer certains de ses bourgeons. D'ailleurs, j'ai dit qu'il y en avait 2-3, c'était un petit abus, il y en a un peu plus, il y en a 5-6. N'empêche qu'en effet, vous voyez que si c'est bien, a priori, elle a l'air relativement sincère, si c'est bien le seul sac qu'elle possède, il n'y a pas de quoi en vendre, tu vois. Voilà, bon, 5-6, ça vaut peut-être une centaine de lettres de change, peut-être un petit peu plus, vu que ça a l'air d'être de qualité, mais c'est pas énorme, tu vois. Pendant ce temps-là, Toric dort. Profondément avec son nouveau bras. Qui s'active d'ailleurs légèrement pendant la nuit. Vous avez la main qui fait... Appuie ça, la main. Je regarde nos coches, et... Non, je la laisse choisir. C'est le... Je n'en prends aucun. Ok. Je décline aussi. J'imagine que c'est une sage décision. En tout cas, je vous laisse fouiller. Je vous laisse fouiller roulotte si vous le souhaitez. J'ai confiance en vous, vous verrez qu'il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas avoir besoin de faire ça. Vous avez l'air tout aussi honnête que je le suis. Sinon, lui, la nuit, elle est relativement calme, alors si vous voulez aller dormir, vous pouvez. J'ai quand même une question. Oui. Vous savez si... Peut-être vous avez vu, par hasard, quelqu'un d'autre en consommer ? En consommer, non, mais je vois que... Votre ami, là, il a un de ces machins qui bouge lorsque... Oui. Eh bien... Tout à l'heure, je l'ai vu légèrement gigoter. C'était très petit et au début, j'ai cru que c'était à cause de moi. Alors, je me suis un peu écarté, mais si ça se trouve, il avait détecté quelque chose de légèrement plus gros. Vous pouvez revisualiser un peu la scène à côté de qui était notre ami hospitalier. C'était juste avant de repartir. Toutes les roulottes étaient les unes à côté des autres. Je saurais pas dire, mais... Je sais en tout cas que les gens n'étaient pas présents, tout le monde n'était pas présent, il devait y avoir, mais ça veut dire que soit la personne qui possède le stock l'avait sur elle, soit qu'elle se trouve à l'intérieur de l'une des roulottes, je sais pas. Il me semble qu'il y avait vieux marin, il y avait quasiment tout le monde en fait. Le vieux marin Sonia et ses deux gamins et l'une des deux sœurs, Isabelle je crois. Les autres étaient, je sais pas où. C'était juste avant qu'on se regroupe avant de partir, donc soit en aller-retour aux toilettes, soit chez le tavernier du coin, soit sur les étals. Bref, tout le monde va casser ses occupations. Après, c'était moi que le mollusque avait détecté. Peut-être bien, mais c'est une piste intéressante. Comme je vous dis, c'est léger. C'est rassurant que ce soit léger. Car, bonne nuit pour la suite de la route. Je vous remercie. Et encore merci. J'aimerais me diriger vers Torik. Je suis. Oui. Si t'as envie, tu peux partir. Je peux comprendre si tu n'as pas envie de parler à Torik tout de suite. Et là, non, je suis. Et je vais aller chercher Torik. Et je vais tout simplement poser une question ou deux. Est-ce qu'il s'est rendormi ou est-ce qu'il est juste allongé Bon, qu'il est en train de somnoler. Ouais, en fait, il dort un petit peu. Tu sens que son bras semble le faire mal, donc il bouge pas mal, même s'il a pris ses médicaments. Ça le. Tu vois, les antidouleurs, ça fait pas tout, quoi. Quand t'as mal, t'as mal. Ouais. Du coup, je fais une petite blague, genre, je me mets un peu dessus son visage et je m'illumine une millième de seconde pour lui faire ça. Ouais, tu te prends la lumière dans la gueule. Et d'ailleurs, je précise quand même si je sais que vous aviez écrit ça pour rigoler, mais... oui, en effet, non. Aucune personne me semble, de près ou de loin, étrange et pourrait être un homo dégénéré. Non, mais je dis ça pour rigoler. Objectivement, vous deviez recroiser ce genre de personne, je vous l'aurais dit parce que vous l'auriez remarqué pas. Non, mais je sais. Depuis le début, c'est que des homos dégénéristes, mais non, on remarque pas. Partout, tout le monde. Oh, salut les enfants. Tous les gosses du... Je vous laisse. Non, je vais... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Flux, là? J'ai une question à te poser. Ouais. Tori. Dis-moi. Ton. Mollusque? Oui. Il réagit aux personnes contaminées, mais est-ce qu'il peut réagir à des bourgeons dans leur état naturel? Disons que s'il y a une forte concentration de enfin c'est quoi, c'est un peu le sport quoi, enfin à vrai dire hors RP je suis pas exactement sûr que ça détecte les bourgeons, mais je pars du principe que oui. Donc, voilà, en gros s'il y a une grosse quantité voilà, on peut dire s'il y a une grosse quantité de sport à proximité, il peut tout à fait légèrement bouger, mais très légèrement, c'est pas grand chose quoi. Ouais. Ça bougeait pas quand il y avait Abby dans le coin. Et encore Abby, pour le coup, avait jamais transporté de grosses quantités. Non. Si on parle d'un vrai trafic, ça dépend. Mais pourquoi quelqu'un l'a vu bouger? Oui, mais de manière très minime. Ah bon? Oui. Ne te relève pas pour ça, ne t'inquiète pas, Doric. Je regarde mon mollusque là, comme ça. Il bouge ou il bouge pas là? En effet, tu le vois parfaitement immobile, mais en restant vraiment en face, tu remarques en effet une légère vibration que tu vois pas d'habitude. Alors tu lèves un petit peu pour voir si c'est dû à la roulotte qui. Ouais, en effet, c'est vrai qu'il y a un léger truc. Tu vois, t'as toujours un peu un œil rivé dessus, mais c'est vraiment le truc que tu peux constater vraiment que si tu cherches activement que c'est là, tu vois. Donc en effet, s'il y avait une vraie bête ou autre, ça tu le constaterais naturellement. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment très léger, c'est qu'en effet, bon, t'imagines qu'il doit y avoir... Je sais pas trop combien de bourgeons il faudrait pour légèrement activer ton mollusque. Tu sais, c'est vraiment... Ça doit être vraiment beaucoup, mais... Ouais, bah oui. C'est peut-être l'équivalent d'un sac de cette taille-là, peut-être... 2, 3 litres... Je sais pas si on peut. Ouais, passer, du coup. De poids, ouais. Je regarde, je vais. Écoute, pour qu'il bouge comme ça, c'est qu'il doit avoir une bonne quantité quand même, hein. C'est pas incroyablement énorme, mais. C'est quand même. Voilà, c'est pas pour une consommation personnelle, quoi. Mmh. Voilà. Ça doit être rangé dans une des roulottes. Ce que je propose, c'est qu'on. Se repose cette nuit, on sera dans des meilleures capacités pour demain. Et à partir de demain, Torik, tu nous accompagnes dans le but de surveiller ton mollusque. Et si tu vois une activité qui devient un peu plus active, parce que si notre personne a réussi à voir le mollusque bouger, c'est que il bougeait plus qu'à l'heure actuelle, je pense. On est à Justicienne demain. Oui, mais il reste à peu près 24 heures de route. Oui, quand je dis qu'il restait 24 heures de route, du coup, ça veut dire qu'au réveil, il restera peut-être un peu plus d'une dizaine d'heures. Ok. Ah oui, bah, une dizaine d'heures, ça suffit pour manger. Vous avez coupé, je sais pas si vous avez regardé la carte un petit peu pour voir la distance, en fait. Depuis cathédrale, soit vous remontez le long du Rhin, ce qui est un peu plus long. Vous avez coupé, on va dire, en diagonale, en fait. Ouais, on pense, on passe par la purulence. Parce que vous n'êtes pas au niveau des routes principales. Ok. Mais c'est suffisamment plat pour que les roulottes puissent traverser. On fait la ligne droite entre cathédrale et Justicienne. Quoi. Finalement, c'était le plus rapide, c'était le plus pratique. Mmh. Okay. C'est une zone qui est suffisamment empruntée pour être suffisamment plate pour que vous puissiez passer. Parce qu'il n'y a quasiment rien. Et voilà, c'est un désert sec, quoi. Genre. Écoutez, Flux, d'accord. On fait ça, et puis si jamais. Si ça bouge plus d'un côté ou de l'autre, écoute, je te dirai ça. Exact. Du coup, moi et Mokosh, on parlera directement. Toi, tu restes en arrière pour surveiller. Et à la limite, si tu te rapproches beaucoup des roulottes, pour voir là où ça peut plus bouger qu'une autre. Parce que je pense que si on est autant de quantité, c'est effectivement que c'est à l'intérieur d'une roulotte. Donc, on fera comme ça. Je pense qu'au dizaine d'heures, ça sera réglé. On n'oublie pas, on n'est pas là pour dénoncer. Il aura droit à une petite morale de notre hospitalier. Mokosh, tu feras ce que tu veux la canaison, si tu veux la détruire, tu la détruis, sinon on verra ce qu'on en fait. Et on sera plus. Très bien. La nuit passe ainsi. Au lendemain matin, vous voyez 2-3 personnes dehors. Donc, les gens ont commencé à se réveiller. En effet, toi, tu remarques aussi qu'Anna, elle est toujours là. Sans doute qu'elle a dû vider un peu plus de son stock pour pouvoir tenir la distance. Je pense d'ailleurs qu'elle a dû faire un mélange entre deux bourgeons différents, de connaissance que vous avez, en effet celui pour avoir plus de force, qui l'a aidé à rester éveillé, et l'autre qui lui permettait d'être un peu plus alerte. Ce qui faisait une vraie espèce de tour d'alerte de guet sur patte. De l'autre côté, donc, vous avez certaines personnes qui ont commencé à sortir, et au bout d'un moment, vous vous arrêtez pour faire boire les ânes. En effet, vous avez une espèce de petite rivière. C'est vrai que vos rations d'eau commencent à diminuer légèrement. D'autant plus que les gens aimeraient garder l'eau potable qu'ils ont récupérée depuis cathédrale pour éviter de les donner aux animaux. À ce moment-là, du coup, Tori, est-ce que tu veux en profiter pour commencer à rapidement zigzaguer entre les roulottes? Mais bien sûr, je marche avec mon dilacérateur, mais genre comme si c'était une canne, quoi. Parfait. Je feinte un peu l'ignorance. Tu commences en effet à marcher un petit peu au niveau des roulottes, comme si dans rien n'était, tu vois. Voilà. On va qu'un peu à 2-3 occupations, il y en a qui vont... Tu vois, les enfants, ils sont en train de jouer avec un peu les ânes, ils sont émerveillés devant le fait de les voir boire. T'as leurs parents qui, eux, discutent, qui ont l'air parler de ce sujet un peu plus important. T'as Anna qui, elle, suit un petit peu le flux du regard, mais pas de manière inquiète, tu vois, juste histoire d'eux, et puis bon, voilà, tout le monde fait un peu ses occupations. Toi, Mokosh, tu es abordé par l'une des deux sœurs, Isabelle. Mmh. Excusez-moi. Ouais. Vous avez l'air un peu plus forte que nous. On a un souci avec l'une de nos roues. Vous voudriez pas nous aider En fait, on aurait besoin d'aide pour maintenir la roulotte un peu surélevée le temps que ma sœur change la roue. On n'est pas sûr qu'elle tienne jusqu'à Justicienne et on se disait que ce serait le moment ou jamais de la changer vu que tout le monde est à l'arrêt. Mmh. Ça vous dérange pas? Tu vois que face à ton impassibilité, elle a l'air un peu gênée. Je laisse durer un peu le moment où je l'observe, les yeux dans les yeux. Tu vois, d'accord. Que c'est pas trop quoi faire, elle fait un léger pas en arrière, tu sais, comme si elle s'apprêtait à repartir. Je vais lui dire d'accord, avec plaisir. Avec plaisir. C'est parfait alors. Elle te dirait jusqu'à la roulotte, et dans ce cas-là, simplement, elle te dise de quel côté relever. Tu vois qu'en fait, vous êtes deux à porter d'un côté, tandis qu'elles ont mis des cales pour bloquer les autres roues, éviter qu'elles s'avancent, tandis que l'autre sœur s'apprête à passer en dessous. Fais-moi un petit jet de body force, avec une difficulté de 3. Ok. Faut que je prendre le bon nombre de dés aussi, parce que j'en ai beaucoup trop. Ouais. Et 7 dés en tout. 5 réussites, pas de déclencheur. 5 réussites, décidément, ça. Il va falloir que je fasse des déconnus. Non, en temps en heure, on sait que les jets sont de toute façon de temps en temps mauvais moment, donc je vais pas monter la difficulté juste pour quelques jets réussis d'affilée. Bon bah tout se passe comme prévu, tu vois, t'arrives à soulever la roulotte, elles ont l'air ravies, elles changent la roue et tout se passe. Quelques minutes plus tard d'ailleurs, le convoi repart dans l'autre sens. Pendant ce temps-là, Torik, toi t'as pu insister un petit peu et faire des va-et-vient. Je vais te demander un jet d'instinct perception, avec une difficulté seulement de 2. Pour essayer d'observer au niveau de quelle roulotte est-ce que le Molus semble activer le plus. Donc c'est relativement facile parce que tu sais exactement comment il marche, t'as l'habitude et ouais. Une seule réussite. Ouais. T'en es pas trop sûr. Tu vois, en fait, le problème c'est qu'il y a deux roulottes qui sont un peu trop alignées pour toi. À ton avis, ça se passe soit au niveau. Soit au niveau du couple, soit au niveau de Hugo lui-même. Celui qui vous a donné la mission. Malheureusement, les roulottes en fait sont quasiment côte à côte et tu saurais pas dire laquelle. Mais par déduction, on va dire, je dirais le couple parce que si c'est Hugo qui nous a demandé de nous occuper de ça, genre par défaut, même si c'est naïf, peut-être c'est des conneries, mais bon, Torik va dire. En effet, l'hypothèse la plus probable est que s'agit d'un démon du. Voilà. Du coup, pardon. Après, je dis bien que je suis pas certain. Il y a pas de voilà. C'est juste j'ai. Voilà. Voilà. Eh bien, on peut aller les voir. Mokosh est de retour avec nous. Oui, bien sûr. Mokosh est de retour avec vous. Je profite du coup, quand on se rapproche de la roulotte des parents, du coup de vraiment aller avec mon dilacérateur, donc du coup dedans, et s'il y a quelque chose, bah là, ça, si je suis vraiment à la source, ça devrait quand même être un peu plus... Dans la roulotte ? Oui. Ah oui ? Comme ça ? Non, mais si on va les voir, enfin si. Ah, d'accord, oui. Non, putain, désolé. Bah, tu dis ça à l'oral. Je crois que tu disais, je le fais. En mode, je vais à côté d'eux, je rentre dedans sans. Non. C'est genre. Si on va les voir en mode. Ah, alors ça va pour vous. Et puis, genre, je prends. Non, je vais pas comme un gros point. Laissez-moi passer. Je suis hospitalier, laissez-moi passer. T'es en mode, qu'est-ce que. Voilà. Non. Je fais ça discrètement. Genre, on va les voir. Bien sûr, tu parles de ça aux autres. Voilà. Dites-moi ce que vous en dites avant d'agir. Et puis... Bah, c'était plus ou moins déjà ce qu'on avait convenu la veille, donc tant qu'il est discret. Après, malheureusement. Poussez-vous. Des petites roulottes. En plus, t'as les gamins qui sont souvent à l'intérieur, donc ça va être compliqué de vraiment se rendre à l'intérieur sans qu'on se rende. Ouais. Et vous voulez faire ça dans la rentrée, quoi. Ou alors j'arrive à me faire rentrer dedans. Alors, oui, après en moi, je vais proposer mes talents de médecin juste pour parce que je les trouve sympathiques, voir si me proposer pour vérifier si les enfants se portent bien, s'il n'y a pas de truc voilà. Le plus simplement du monde, hein, pas je veux pas les convaincre voilà. Tu vois, simplement, qui est un peu dubitatif, en mode gratuitement. Bien sûr. Écoutez, vous nous aidez. On est là, on voyage avec vous. Écoutez. Pourquoi ils ont l'air malades ? Non, mais vous savez, mes camarades vous le diront. Je suis assez pointilleux sur. Si vous trouvez quelque chose, vous allez faire quoi ? Vous allez pas nous les enlever ? Non, mais de toute façon, je pense que vos enfants n'ont rien de spécial, mais vous savez, on n'est jamais sûr, trop sûr de ça. Et comme vous diront mes camarades, je suis assez quelqu'un de pointilleux sur la santé et l'hygiène. Donc, voilà. Mais vous inquiétez pas, je pense que vos enfants n'ont rien de bien spécial. Ils ont déjà confiance en Flux, donc ils c'est par association, ils se disent que tu dois être quelqu'un de confiance aussi, en effet, à raison. Et ils disent, bon, bah, allez-y. Du coup, bah, je monte dans la roulotte, je pose, du coup, mon dilacérateur contre une des parois de la roulotte. Dites « Ah, tirer la langue ». Voilà. Bon, tu regardes, on va dire, même au premier degré, à l'intérieur de leur gorge, tu sais voir si c'est pas voilà. enflé, voilà, les glandillons, tu leur demandes s'ils ont mal, quelque part. Ouais. Et du coup, Flux doit être dans le coin, du coup, je fais absolument pas attention à mon dilacérateur, je demande juste à Flux de regarder pour moi s'il voit quelque chose, et moi, je fais vraiment, je m'occupe vraiment des enfants. Le seul truc que tu remarques un peu d'étrange sur les enfants, c'est que tu vois en effet qu'ils ont l'air quand même légèrement maigres pour des enfants de cet âge. Tu te doutes que c'est sans doute lié au fait qu'ils soient maintenant assez pauvres. Flux, de ton côté, fais-moi un petit jet d'instinct perception, s'il te plaît. Avec plaisir. Avec un dé supplémentaire, parce que tu as largement le temps de le faire. Est-ce que Mokosh, toi aussi, tu souhaites regarder ou... J'imagine que non, mais moi, je... Ouais. Quand Auric monte, tout simplement dans la chariote, je m'invite à l'intérieur de la manière la plus naturelle qui soit, sans même les regarder. D'accord. Sachant que, comme j'avais dit, elles sont toutes petites, vous êtes vraiment à l'étroit, mais tu t'assois à côté. Après, tu vois que les gamins ont l'air d'être un peu en admiration devant toi, donc tu vois que ça leur fait pas plus de... Ouais. Tu ouais, voilà. C'est... Tu vois, d'ailleurs, tu les as surpris en train de jouer à la guerre avec leurs petites peluches... Plus récemment, avant, ils les faisaient se balader, puis maintenant, ils les font se battre à l'épée avec des bouts de bois qu'ils ont cassés. Une bonne influence. Ici, de ton côté, Flux, en effet, tu constates que le dilacérateur et le mollusque qui sont à l'intérieur bougent légèrement plus une fois à l'intérieur de la roulotte. Je vais vous demander donc tous de me faire... J'imagine que vous avez pensé à un léger code pour vous faire passer l'information. Un nouveau jet d'instinct perception... pour essayer de repérer, voir si quelque chose cloche dans l'habillage autour de la roulotte, à l'intérieur. Ok. Trois réussites dans un déclencheur. Bon. Moi, ça colle, parce que comme je m'occupe des enfants, je fais pas forcément attention au reste. Et en effet, ils ont rien d'anormal, bon bah voilà. Ils ont pas de boutons sur le visage, ils ont... Je discute avec les parents, vite fait, j'aurais écouté, mis à part un peu le malnutrition, et après, bon, je comprends pourquoi, hein, voilà. Mais franchement, vos enfants se portent tout à fait bien, rien à dire. Voilà, rassuré. De ton côté, Mokosh, tu es sûr et certain d'une chose, et c'est assez étonnant, mais à l'intérieur de la roulotte, il n'y a rien. Vite fait, t'as un peu tâté, tu vois qu'elle est petite et qu'il n'y a pas trop de place pour ranger, qu'un truc comme ça devrait se voir, mais tu vois rien. Y a rien, il y a juste quelques couvertures, t'as regardé vite fait sous l'oreiller, t'as rapidement tâté un peu discrètement à l'intérieur, y a rien. Y a rien à l'intérieur de la roulotte. Pourtant, visiblement, le sac est tout prêt. D'accord. Au bout d'un moment, du coup, vu que les enfants vont bien, ils descendent pour aller courir. Bon, voilà, vous les voyez partir. Et vous voyez que le truc est toujours là. Visiblement, elle est très proche, mais elle se trouve pas à l'intérieur de la roulotte elle-même. On est que tous les trois, là, ou il y a... Vous voyez que non, les parents sont légèrement bougés. En effet, vous la laissez vite fait tous les trois, parce qu'ils sont avec leurs gamins qui sont en train de courir un peu plus. Ok, donc on peut discuter rapidement. Ouais, vous pouvez discuter rapidement. Bon, je vais déjà parler de Mokosh parce que je l'interromps plus. Non, bah en fait, les questions que tu as posées répondaient à ma question. Je voulais savoir comment se présentait la chariote avec les parents et tout ça. Est-ce qu'ils étaient par exemple à l'avant ou à l'intérieur ou... En effet, vous avez une petite ouverture actuellement. Mais genre, ils sont à l'avant du chariot ou ils sont en train de marcher à côté avec les gosses? Non, là, ils ont légèrement bougé vu que l'âne, en fait, vous êtes à l'arrière du convoi. Et l'âne suit bêtement les autres qui sont devant. Parce que, en fait, vu que vous êtes rentré à l'intérieur, votre roulotte a été légèrement ralentie par rapport aux autres. Et là, actuellement, en effet, les enfants sont partis un peu courir, jouer, et du coup, les parents les suivent légèrement à la trace. Donc, en fait, vu que vous êtes là, qu'ils ont confiance en vous, parce que pour l'instant vous avez toutes les bonnes intentions du monde avec eux, vous avez même sculpté gratuitement leurs enfants, alors que la plupart des spétaliers feraient payer quelques lettres de change. Donc ils vous laissent sans aucun souci garder la roulotte, ils savent que vous n'allez pas les voler par exemple, il n'y a pas grand chose à voler. Malgré tout, en effet, c'est assez étrange dans l'idée où il y a un spitalier et potentiellement un sac de rempli de bourgeons à proximité. Là, par contre, ça peut être un peu étrange comme, action. Je demande à Torik si son mollusque bouge toujours depuis que les gosses et les parents sont partis, enfin, se sont éloignés. En effet, le mollusque bouge toujours. Donc le sac est pas très loin. Il n'est pas à l'intérieur de la roue. J'ai une théorie. Soit les sacs. La roulotte, c'est quelle matière? C'est du bois. Comme je disais, c'est justement l'intérêt du truc, c'est qu'ils peuvent leur tout, vendre. Tout en bois. Tout en bois. Il n'y a pas un peu de toile, il n'y a pas d'accord. Du coup, je pense que c'est en dessous. Dans le plancher. Alors, c'est pas vraiment en plancher, mais dessous, tu vois, genre, je pense que si quelqu'un se baisse, chose qu'on ne ferait pas alors que le convoi est en route. Bah je pense en fait le sac doit être accroché en dessous en fait. Au sol ouais. Mm-hmm. Bah j'écoute ce que Flux dit. Je pense que je vais passer la tête tout simplement par tout en restant à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. Ok. Brièvement, tu passes la tête. Et en effet, accroché aux planches, tu sais il y a une espèce de, on va dire quelques centimètres de planches qui font le tour de la roulotte. Et quand tu regardes en dessous, tu vois accroché une espèce de sac entre plusieurs morceaux de bois. Je peux l'atteindre ? Avec ta main, oui, tu peux l'atteindre. Moi, je le prends, alors. Tu le prends, tu tires un peu, tu vois qu'il faut forcer un peu parce que ça semble en effet accroché. Et en forçant un peu, ça se décroche, tu vois qu'il y avait quelques bouts de ficelle qui passaient entre quelques planches et un peu à l'arrache et tu le récupères. En le posant sur tes genoux et en l'ouvrant, en effet, tu remarques le petit sac en toile est rempli de bois. Bon, on parle aux parents. Mokoche, je te laisse la responsabilité de ces bourgeons. T'en fais ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Tu peux les brûler. Et... Oui, alors on va éviter de le faire en plein milieu du convoi, évidemment. Évidemment. Donc, on parle aux parents. Surtout que ce serait bête d'imprégner tout le monde de sport qui part dans l'air. Exactement. Juste avant de rejoindre nos justiciennes. Et je sors de la tête de la roulotte et je fais signe aux parents de venir vers nous. En leur demandant, lorsqu'ils sont à mi-voix, de laisser jouer les enfants dehors. Et moi, je fais ma tête de contrarié. Oh. Au bout d'un moment, tu les vois qui approchent. En effet, les enfants sont à quelques mètres en train de jouer. Et... Oh mon dieu. C'est les enfants, c'est ça? Ne dites rien. On peut monter à 5, là? Pardon? Alors, à l'intérieur, non, mais vous pouvez rester à proximité sans que personne vous entende de l'autre côté. Ok, là, on va faire ça. Enfants, on s'isole. Ça sera pas possible. Comme je dis, c'est vraiment, il y a à peine la place pour allonger deux personnes, tu vois. Alors, sachez premièrement que nos attentions ne sont pas mauvaises. Contrairement à l'une de personnes qui nous a demandé de trouver ça, sachez que nous n'avons pas pour intention de coopérer avec cette personne. Mais que malgré tout, on était quand même curieux de savoir la vérité sur cette histoire. Nous sommes vraiment amicaux, nous sommes vraiment là. Donc, plus vous direz la vérité, plus ce sera simple pour nous de gérer. Ne mentez pas maintenant, ça ne sert à rien. Dites-moi vraiment ce que vous savez vis-à-vis de ça. De quoi est-ce que vous parlez ? Le sac est juste derrière moi. Tu leur montes, tu vois, il jette un coup d'œil et... Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez jamais vu ça auparavant? Qu'est-ce que vous nous voulez? Non? Non, ne paniquez pas, restez calme, s'il vous plaît. Okay. C'est important, il faut que personne ne puisse remarquer une... Bien. Vous nous assurez que vous n'avez jamais vu ça auparavant? Je vous l'assure, où est-ce que vous avez trouvé ça? Sous votre roulotte. Je pense... Enfin, nous savons que parmi les gens de votre convoi se trouve une personne qui revend des bourgeons de brûlés. Quelqu'un nous a mandaté pour retrouver cette personne. Comme je vous l'ai dit, nous comptons pas coopérer, mais malgré tout, savoir la vérité nous intéresse. Et... Je veux bien vous croire que vous n'êtes pas forcément coupable, parce qu'il est facile de cacher un sac sous la roulotte d'une autre personne la nuit. Mm-hmm. Dans ce cas, si vous me promettez sur tout ce que vous avez, et notamment la vie de vos deux enfants, si vous me promettez, sous ces conditions-là, que vous n'avez vraiment rien à voir avec tout ça, je vous demanderai juste, je vous croirai sur parole bien entendu, et je vous demanderai juste de ne pas ébruiter cette affaire, parce que je ne voudrais pas que la personne mal intentionnée de ce convoi, que je ne veux pas dénoncer non plus, apprenne trop de détails. À ce moment-là, pendant que tu discutes, tu vois qu'il y a la petite Sacha qui s'approche de sa maman et qui fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'elle, tu as le sens, cette espèce de tension un peu... Qu'est-ce que vous faites? Vous agissez? Non? Vous la laissez Bah, je pense que les parents sont capables de lui dire « va jouer », non? Oui, ok, non, en effet, donc tu vois, elle s'incruste un peu dans les jambes de sa mère et qui lui fait « non, non, va-t'en ». Tu remarques quand même qu'elle aperçoit le sac. Mais tu sais pas si elle sait ce que c'est à son âge. Nous sommes d'accord sur, premièrement, votre parole, puis votre silence pour éviter de donner une... Enfin, de faire du mal à une personne qui ne le mérite pas forcément. Je vous le promets, et moi aussi, disent-il un peu en symbiose. Nous n'avons jamais vu ce sac avant, nous n'étions vraiment pas au courant. Ça ne me surprend pas, à vrai dire, l'idée de cacher ailleurs dans sa propre roulotte. Et en fait, finalement, ce qu'il y a de plus sûr. Vous semblez avoir l'esprit vif, nul ouais. Doute que vous trouverez qui l'appartient réellement. Par pur, cette question est peut-être mal placée et malvenue, mais combien estimez-vous la valeur totale de ce sac? Énormément. Je sais vos difficultés financières, mais au nom du hospitalier qui se trouve derrière moi, ne craquez pas maintenant. J'ai une question pour le MJ. Moi, je sais combien ça vaut ou pas? En effet, tu penses qu'il y en a environ pour tout ça, peut-être quoi, 1000 lettres de change minimum. Oui, quand même. C'est ouf. C'est un sacré paquet, en effet. Il y a de quoi vivre un bon moment sans trop de soucis, plutôt, bon, pas forcément très confortablement, mais je veux dire, voilà, d'avoir un repas chaud à chaque repas pendant un bon paquet de temps. Bien, dans ce cas-là, restez absolument naturel, évitez d'évoquer cette histoire, vérifiez votre fille, il me semble qu'elle a peut-être vu le sac, elle ne sait peut-être pas ce que c'est, mais qu'elle évite d'ébruiter une mauvaise rumeur. Je vais continuer notre enquête. Même si elle n'est pas de genre de nous écouter, nous allons essayer de lui parler. vous n'aurez aucune retombée, et toutes mes offres pour vous aider une fois justicienne tiennent évidemment toujours. Je vous remercie. Je me retourne vers mes amis, voir si ils ont l'air en approbation avec mes actes, du coup. Je vois les deux qui me regardent en faisant non. Moi, ce qui m'importe déjà, c'est que on ait trouvé les bourgeons. Parce que c'était déjà le premier danger. Mokosh, j'espère que tu as décidé de les détruire. Ouais, je sais déjà quoi en faire. Non, j'espère que tu as décidé de les détruire. Dans tous les cas, ce genre de détails, on devrait éviter d'en parler devant des... Ah non, mais là, on est entre nous, là. Oui, on n'est plus... Je voilà. Que vous êtes ah, non, j'aurais pas dit ça. Ensuite... Oui, je peux comprendre que les parents ne soient pas forcément impliqués là-dedans. Surtout qu'ils ont l'air d'être assez aimants de leurs enfants et qu'ils ont l'air de prendre soin d'eux. Donc, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute. Et essayer de voir qui aurait pu... Je ne connais pas trop les gens. Je sais que toi, tu as déjà pu discuter avec eux. Je ne sais pas à qui on a affaire. J'ai, selon Hugo, le dernier suspect. Et c'est une personne avec qui j'ai beaucoup sympathisé la veille. Donc je pense que si c'est lui, je peux le savoir assez rapidement. Dans tous les cas... Tu m'as pas dit pour que lui, c'était maintenant. Un ancien hospitalier. Tu m'en as pas dit encore ça. Non. Non, dans tous les cas, ne brûlez pas maintenant, parce que si jamais on n'arrive pas à découvrir la véritable identité, on peut quand même dire qu'on a trouvé la cargaison pour le juge, là, et lui dire que c'était impossible de savoir à qui ça appartenait. Ça peut être une solution de secours si jamais on est pris de coup. Pendant ce temps-là, le convoi continue d'avancer, hein, je le précise. Commencez d'ailleurs vaguement à reconnaître quelques zones autour du justicien. Vous savez qu'il va vous rester quelques heures sans doute avant que vous y arriviez. Je propose quelque chose à mes camarades. Écoutez, on n'a pas trouvé qui était la personne. Moi, je vous propose de remplacer ce sac, d'essayer de prendre un sac qui soit proche de ce qu'était le sac qu'on a trouvé, le remplir pour qu'il pèse à peu près la même chose, de le remettre à sa place et de surveiller toute personne, une fois arrivée à la justicienne, qui viendrait jeter un œil au niveau de leur chariot, ce qui pourrait déjà... On n'en parle pas au juge de ce subterfuge. Et... Sinon, c'est une bonne idée. Il faudra juste être prêt à réagir rapidement. Qu'ils ne se mettent pas, si jamais c'est effectivement une autre personne que l'un des deux parents, à être agressif envers eux parce que sa marchandise aurait disparu ou quoi. J'aimerais éviter ce genre d'accident. Mmh. Donc on restera bien à l'affût et prêt à agir. Je propose que j'aille parler, moi et Mokosh, si tu en as envie, pendant que Tori, que tu fasses le remplacement du sac. À Imric, je pense avoir scanné un peu sa personnalité, donc je vais jouer plutôt franc jeu avec lui, ça a l'air d'être ce qu'il apprécie. Donc ça risque d'être assez rapide comme conversation. Non, moi je vais te laisser faire ça, je vais me séparer du reste du groupe. Très bien. Tu te sépares seul ou avec le sac? Avec le sac. Ok. Voilà, ça y est, c'est pareil. Mokosh, du coup, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier ou juste attendre Ouais, je souhaite aller rejoindre la chariote du juge. Ok. Pendant ce temps-là, Eflux, du coup, tu retournes voir le loup de mer, c'est ça? Yeah. Très bien. Tauric, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Bien, je vais m'occuper de remplacer, de mettre un faux sac à l'emplacement où était l'ancien. Très bien. Je te demanderai un petit jet de d'agilité stealth. Donc, je sais pas si je prononce bien, mais discrétion. Juste par curiosité, pendant qu'il fait son jet, oui. On est à combien de temps de justicienne? Quelques heures, tout au plus. 3-4 heures, je pense. Okay. Environ. Peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins. Sinon, pendant ce temps-là, de ton côté, Flux, tu vas voir Emmerich. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Bien, bien. Et toi? Oh, bah écoute, ça se passe, pressé qu'on arrive. Je commence à avoir mal au pattes, je vais pas te mentir. Je comprends. Dis-moi, j'ai pas passé par 4000 chemins. Je suis sur une affaire assez délicate là. Une affaire? Oui. Un truc? Non, non. Je tiens à te dire avant de commencer, je vais jouer franc jeu avec toi, parce que je pense que tu es une personne qui, je pense, peut apprécier une parole honnête plutôt qu'une parole bien enrobée. Sache qu'on m'a demandé à un des membres de ce convoi de trouver quelqu'un, mais que je ne compte pas travailler pour cette personne et que par conséquent, je travaille dans mon propre intérêt, qu'il n'y aura du coup aucune conséquence puisque je suis ici. Bah, du coup, de façon neutre et pacifiste. Tu m'inquiètes, mais vas-y. De ce qu'on sait, de ce qu'on sait sur ce convoi, quelqu'un transporte, et pourquoi pas vend, des bourgeons de brûlure. Oh. Parmi les suspects, tu as été nommé. Et je voulais vérifier auprès de toi si c'était vrai. Je vais vraiment jouer le franc jeu. Si c'est toi, tu dis-le moi clairement, autant dire la vérité. Ça me permettra de mieux assurer nos arrières. C'est pas moi, désolé. Mais ça m'intrigue cette histoire, c'est... Je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire ça? Un homme le prétend. J'ai pas forcément confiance en lui, mais... Je préfère savoir en lui qui est le véritable coupable. Lui fera des conséquences, moi non. Eh bien, désolé, mais non. T'as sonné la mauvaise porte. Par contre, c'est curieux comme affirmation. Je veux dire, par les temps qui courent, il vaudrait mieux que tu sois sûr de toi avant de porter de telles accusations. Mais je n'accuse pas. Je ne suis pas dans cette démarche-là. J'ai juste besoin de savoir qui c'est. Et à vrai dire, le reste ne m'intéresse pas. Du coup, non, désolé. Je vois pas. Je comprends. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas, mais là... Tu n'as vu personne traîner autour du... de la roulotte de... du couple Van et Sonia? Eh bien, vous, tout à l'heure. J'imagine que tu t'attends à quelque chose de plus précis. Hormis nous. Oui, qui serait antécédent, je pense, à notre... Comment ça? Quelqu'un qui, je sais pas, à un moment a marché à côté ou a semblé rester vraiment proche de cette roulotte. Non, je vois pas. Généralement, tout le monde reste avec la sienne, histoire de faire avancer ses bêtes, quoi. Dis-moi, la nuit, tu dors à point fermé ou tu as toujours une oreille ouverte? Généralement, je dors plutôt bien, mais je sais qu'il y a Anna qui, elle, reste toujours éveillée, si jamais... Peut-être qu'elle pourra t'aider. Dans tous les cas, il bruite pas cette affaire. Ça reste entre nous. Ouais. J'aimerais éviter que... la personne qui m'a mandaté entende de mauvaises rumeurs. Encore une fois, elle cherche des conséquences, là où moi, je cherche juste à sécuriser... vous, tout simplement. Je comprends. Comment ça va, mon coche? Ah, pardon, excuse-moi. Tu dis? Non, j'ai juste affirmé que je vous ai compris. Pendant ce temps-là, mon coche, du coup, tu m'as dit que tu allais voir Hugo, c'est bien ça? Ouais. Ok. Avec le sac dans mon blouson. Ok, voilà. Tu le surprends je en train de changer avec le sac dans la main. Pardon? Tu disais? Tu le surprends en train de changer ses bandages. Bon, là, sur le niveau de sa roulotte, tu vois qu'en effet, la blessure a l'air d'être assez profonde. Il est à l'intérieur de la roulotte? Bah, tu sais, il est un peu sur l'extérieur, tu vois, il a, on va dire, la moitié du... Tu sais, il est assis dessus, donc il est à moitié dans l'ombre de la roulotte, mais il est en soi à l'extérieur, tu vois, devant son âne. Je sais pas si c'est assez clair, comme... Ok. Il est assis à l'avant, en fait. Ok. Mais pendant qu'il fait son bandage, je vais m'asseoir à côté de lui. Ah, ok, bon. Tu t'assois à côté, tu vois, il fait « Oh, désolé, il décale un peu les bandages, seigneur. Vous avez des informations pour moi ?» T'aimes bien ton boulot, Hugo ? Pardon ? Est-ce que t'aimes bien ton boulot ? Ouais, plutôt. D'accord. Dans ce genre de cas, tu vois, qu'il pointe de la main la morsure. Moi, je t'avoue qu'en ce moment, je doute un peu. De ce que je suis censé faire. Tu voudrais devenir juge? Non, pas juge. Mais dire que mon culte m'a fait un sale coup récemment, donc. On va dire que j'ai un peu du mal. T'as pas de mal avec ce genre de choses chez les juges ? Comment ça, les mauvais coups ? Ouais, les mauvais coups, la corruption. Je sais pas, t'as l'air d'être assez intéressé par ta carrière. Est-ce que c'est juste ça, une carrière, ou est-ce que c'est plus que ça pour toi ? Pendant ma carrière, j'ai envie de dire, c'est toute ma vie, si tu veux. C'est... Ouais, j'ai jamais eu de soucis avec mon culte. J'ai du mal à voir où est-ce que vous voulez en venir. Je vois qu'il est pas très très à l'aise. J'aimerais savoir si t'as posé ce sac au hasard ou est-ce que t'as volontairement choisi celui avec des gosses à l'intérieur. Quoi, mais tu lui montres le sac du coup? Ouais, je sors le sac. Vous l'avez trouvé? Ouais. C'était... Attendez, vous m'accusez de quoi, là? Si je prenais tout ça d'un coup, à ton avis, ça prendrait combien de temps pour redescendre? Pour plus être détectable à l'entrée de justicienne? Si tu prends ça d'un coup, t'es morte! Non mais je crois que tu te rends pas compte de la bombe que t'as entre les mains. C'était qui le coupable? C'est toi le coupable, Hugo. Non. Coupable de quoi? Je fais juste mon métier. Hugo, tu m'as adressé à peine deux phrases à notre première interaction. J'ai tout de suite compris que t'étais une pourriture. Tu vois qu'il prend lentement sa respiration. Bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as choisi volontairement celle avec des gosses? Je promets que j'ai rien à voir avec ce sac. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. On m'a mandaté pour récupérer le gars qui faisait du trafic depuis le début. Et il n'y a pas de gars qui fait un trafic, donc tu t'en es procuré, et tu t'es fait un coupable. Mais non, mais où est-ce que tu l'as trouvé, ça, que tu sais qui il était? Je vais, si tu le veux bien, utiliser ma compétence de... Enfin, mon potentiel de peur. Ok, ça me va. Pour le soumettre entièrement à ma volonté. On va lui demander de faire tous tes désirs, mais en effet, c'est un bon moyen de mettre la pression. donc c'est une attaque, ce qu'on dit attaque mentale, et du coup, tu me fais un jet de psyché-domination. Mmh. Ok. Je vais faire sa défense mentale, alors. Okay. 3 réussites. Je sais pas si ça marche énormément. Mais... Ça dépend combien je fais avec mon test à moi aussi. Okay, tu vois qu'il commence vraiment à commencer à flipper. Écoute, je te promets que j'ai rien à faire avec ça. Tu peux garder le sac si tu veux. Mais me cherche pas d'emmerde. Tu vois qu'il a l'air sincère pour le coup. C'est pas lui. Bon, je remets le sac dans... Dans ton manteau? Non, tu sais quoi? Je vais... retirer le pommeau de mon épée. Ok. Tu vois, je le tiens dans mes mains comme ça pour l'observer. Tu vois, je laisse voir la tiraille de tatouage qu'il y a dessus et tout ça. Tu vois qu'il a l'air interloqué. Et d'une manière assez brusque, je vais le frapper avec le pommeau dans le visage. Je te demande pas de G. Pouf, d'un seul coup, tu lui donnes un énorme coup. Tu vises un endroit particulier, genre un œil ou autre, ou juste tu donnes un coup dans le visage? Non, mon but est vraiment, disons, de le rendre inconscient avec fracas. Bon, en effet, tu lui donnes un violent coup et tu le vois qui tombe en arrière, à l'arrière de la roulotte et qui bouge plus. Tu check rapidement, il a encore envie, mais là, tu viens de lui en mettre une bonne. D'accord. Je vais... vider tous les bourgeons dans sa gorge. Je vais l'ouvrir la bouche et je vais tout le vider à l'intérieur. Ok. Dans le sens où tu les perces avant et genre tu juste les spores à l'intérieur ou... Ouais, je lui fais consommer de force le machin. Ou alors même je pourrais lui faire avaler complètement, hein, mais... Bon, les deux, j'imagine qu'il faut pas le même effet, même si c'est... Vous êtes très mauvais pour sa santé. Ok. Ça se demandait si tu vas lui tatouer un petit acab pendant qu'il a conscience, mais tu lui fais bouffer tous les bourgeons brûlants. Tu vois que là, il va pas survivre, genre... Enfin, il risque de survivre, mais dans quelles conditions, tu sais pas. Genre là, il est parti pour planer, pour genre tu viens de lui faire avaler l'équivalent je sais pas combien de bourgeons de moulure. En tout cas, t'es sûr, il va se faire détecter par l'hospitalier une fois qu'il sera arrivé à Justicienne. Mais tout simplement, je vais lui dire, même si je suis pas sûr qu'il m'entende tout simplement, mais je vais lui dire. Si tu survis à ça, la prochaine fois, tu mettras les idiots de ton clan avant ta carrière, peut-être. Et je dégage. Ok. Je dégage du son chariot. Je dans le sac de ton côté. Et tu vois que simplement, son âne continue de suivre les ânes de l'avant du convoi. Thoric, du coup, est-ce que tu m'as fait ton jet de... 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. T'arrives à faire ton petit système assez rapidement. Puis arrive le moment où vous distinguez la silhouette de Justicienne se dessiner au loin. C'est elle. Vous entendez un peu les enfants un peu hystériques à l'idée de voir la ville. Enfin, eux, ils sont partis depuis des semaines. Ils sont assez heureux de finalement bientôt arriver. Personne n'a l'air d'avoir remarqué pour l'instant la disparition d'Hugo, qui a toujours été très discret. Et tout le monde pense être en train de se reposer à l'intérieur de sa roulotte, étant donné notamment qu'il ne peut pas marcher. D'ailleurs, Mokosh, est-ce que t'as prévenu les autres de ce que t'avais fait, ou... Non. Ok. Je pense qu'ils auraient peut-être un peu de mal à comprendre certains passages. C'est juste que depuis la dernière fois, il y a quand même quelques heures qui se sont écoulées. Enfin, depuis la dernière scène, j'entends. Du coup, il a bien passé 5-6 heures dans le comtar. Vous finissez par vous arrêter au niveau des alentours justiciennes. Et la vue que vous avez est... pas extrêmement agréable, on pourrait dire. La première chose que voient les gamins en arrivant dans cette nouvelle ville, emmurée derrière de grands remparts, c'est des spitaliers passés l'un des ponts avec un chariot rempli de cadavres. En fait, vous sentez que, notamment toi, Mokosh, qui n'est pas allé à Justicienne depuis longtemps, que l'ambiance est vachement plus oppressante que la dernière fois. Tu vois des fermiers, alors déjà que la dernière fois avant c'était pas la joie, comme on peut dire. Tu vois les gens tête baissée qui se dirigent en direction des murs d'enceinte de la ville. Où tu sembles entendre une espèce d'intonation de voix au loin, grésillante. Au début t'as un doute, mais non, finalement c'est bien ce que tu pensais. Les chroniqueurs, depuis ton absence, ont installé un système de, on va dire, enceinte dans la ville, dans laquelle ils semblent diffuser des espèces de messages de propagande. T'entends pas très bien ce qu'ils disent, mais tu reconnais bien la voix des chroniqueurs portée au loin. Vous arrêtez les chariots à côté, à proximité de la ville, et puis les gens commencent à rassembler leurs affaires. Tandis qu'un groupe d'hospitaliers arrive dans votre direction. Thoric, alors que tu t'approches d'eux, tu commences à réaliser que ton mollusque bouge. Étonnamment. À côté des hospitaliers ? Non, t'as pas vraiment fait gaffe. À l'avant, t'étais plus au niveau du convoi du couple. Et enfin, il bouge pas énormément, hein, mais là, il bouge bien. Comme s'il y avait plus qu'un sac de bourgeons à proximité. Alors, attends. Quand on arrive où, en fait, j'en vois, c'est à quel endroit? Vous êtes juste en face de la ville, vous voyez les grands remparts, les grands tours. Ouais. Vous arrivez à reconnaître, vous entendez même au loin porter le bruit des maîtres de l'acier en train de frapper, et tu sens ton... En se rapprochant de Justicienne, mon dilacérateur, commence à s'activer. C'est vrai que tu le regardais plus trop, là, t'avais surtout le regard fixé sur l'autre calèche. Enfin, l'autre... pas calèche, mince. D'accord. C'est putain de bizarre. Je préviens Efflux et Mokosh. Je dis, écoutez, il y a un truc assez bizarre. J'ai l'impression que plus on s'approche de Justicienne et plus mon mollusque s'agite. Ok. Toi, Mokosh, tu penses avoir des doutes de pourquoi ça pourrait être lié, mais tu dis pas grand-chose. Et les spitaliers commencent à s'arrêter devant vous. Et tu vois que leur mollusque bouge tout autant. Assez rapidement, un groupe commence à vous encercler. J'ai bonjour mes frères. Restez à distance s'il vous plaît. Il y a un souci? Tu vois qu'il jette un petit coup d'œil sur la droite, pointant son mollusque. Pourquoi mon... À vous fouiller les uns après les autres, s'il vous plaît. D'accord, mais... Tu vois le couple qui commence à dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? On comprend pas. » Qui commence à rassembler leurs enfants avec eux, tandis que l'hospitalier commence à arriver et à mettre sans dessus-dessous les roulottes. Vous voyez qu'ils les retournent par terre, ils font tout tomber et commencent à... Dans les grades qui sont là, il y a un plus gradé que moi. Alors, dans ceux qui sont autour de vous, non. Mais plus loin, oui, il y en a des plus gradés. Enfin, des aussi gradés que moi. Enfin, je fais quand même valoir mon grade, parce que quand même, hein, je suis médecin de terrain, donc on peut pas me osef comme ça. j'ai écouté, les gens qui sont avec moi sont sains. Fais-moi un test de charisme leadership. Alors j'ai 3 succès dont un déclencheur. Ok. Tu vois qu'en effet, il commence à se relâcher légèrement. Désolé, mais on peut pas se permettre. Non mais, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon mollusque, plus j'approche de justicienne et plus il s'agite. Il y a un souci. Plus vous approchez, plus nos mollusques à nous s'agitent. Et à ce moment-là, interrompant ma discussion, vous entendez une espèce de cri au niveau de l'une des roulottes qui vient d'être retournée. Et l'un des familanciers qui dit « Il y a quelqu'un dedans !» Et vous voyez une main se hisser et commencer à sortir. Et vous reconnaissez Hugo, même s'il semble étonnamment avoir pris 20 ans. Vous voyez ses yeux rouges comme pas possible, et qui commence à s'agiter dans tous les sens, et puis qui pose ses mains sur sa tête, et qui commence à crier, et à faire « Les voix, arrêtez-les !» Il commence à se précipiter et à bousculer l'hospitalier devant lui, tandis que l'un des familanciers fait « Arrêtez-le !» À ce moment-là, vous en voyez certains en train de dégainer leur dilacérateur, et ni une, ni deux, il commence à le planter. Les gamins commencent à crier, vous sentez que finalement ils apprécient pas tant que ça la violence, tandis que l'homme commence à se faire abattre en pleine ville. En pleine ville, pardon, mais vous n'êtes même pas encore dans la ville, vous êtes juste... En dehors. À la frontière. Je me retourne vers Mokosh, avec un mauvais regard. Et qui se met d'ailleurs justement à hurler dans toutes les voies, et vous voyez qu'il a quand même... d'étonnantes réactions. À un moment, il chope l'un des dilacérateurs de la main et semble arriver à déjouer le coup. Tandis qu'à un moment, il va rouler sur le côté comme s'il avait prévu l'arrivée du second. Malheureusement, il semble être dans un tel état qu'il s'effondre à moitié et se fait achever par les soldats juste à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous rétorque la question, on va devoir vous tester les uns après les autres. Mettez-vous en rang et plus vite que ça. On vous commence à vous éloigner des roulottes. On vous met en rang les uns à côté des autres. Et puis vous voyez les hospitaliers passer à côté de vous, avec leur dilacérateur, et guettant leur mollusque. Bah, moi j'en ai un avec moi, donc... Tori, en effet, on te met de côté. C'est bon, vous pouvez passer. Tu vois quand même qu'il semble un peu... Ah mais moi aussi, je suis troublé. Ouais, troublé par rapport au fait que ceci puisse passer devant toi. Mais la réaction de l'homme avait l'air vraiment étrange. Il semble avoir eu quelque chose de pas net. Flux, c'est mis de côté aussi. Jacquard était là depuis le début. Mokosh également. Les gamins, pareil. À peu près tout le monde arrive à passer. Sauf, au bout d'un moment, il s'arrête devant la vieille Anna. Qui, pour rappel, a consommé plus d'un bourgeon ces derniers temps. Le mollusque s'active, l'un des hospitaliers lui demande de la suivre. On attend quelques instants, on fouille les affaires des gens et plus aucune trace de brûlure n'est détectée. Vous remarquez quand même quelque chose d'étonnant sur le corps d'Hugo, notamment toi, Mokosh. Tu vois qu'en seulement quelques heures, sur la partie de sa peau qui était nue, donc notamment au niveau de son bandage, puisqu'il avait déchiré et mis la partie à nu, tu remarques d'étranges symboles, comme des mandalas qui recouvrent sa peau, qui se seraient dessinés, creusés à l'intérieur de sa chair, comme des cicatrices ou une infection ou une blessure qu'on lui aurait faite. Assez étrange. Dans tous les cas, son corps est vite jeté sur une espèce de brasier qui est construit sur le côté. Vous voyez, Tori, que... Tu peux pas en être sûr, mais tu te demandes si, sans ta présence, le groupe aurait pas pu faire office d'un... Un exemple. Un exemple, exactement. Et ouais. Tu te sens chanceux de pas avoir fini comme eux. Mais vous êtes encore là. Et au final... Vous les voyez passer autour de vous. Vous commencez à comprendre que la situation se détend et que vous allez être relâché. Mokosh, à un moment à côté de toi, tu sens une main se glisser dans la tienne. Ouais. C'est celle de Sacha. Et tu vois la petite complètement en pleurs, en train de marmonner quelque chose. Je la tiens contre moi, disons, pour la réconforter en quelque sorte. Ok. Et j'essaie d'entendre si elle dit quelque chose d'intéressant. En effet, tu te sens un petit peu légèrement accroupie pour être à portée, on va dire, quasiment de câlin. Et elle te murmure un peu dans l'oreille. C'était moi. C'est de ma faute ce qui est arrivé à Monsieur Hugo. Je vais la regarder droit dans les yeux. Avec, tu vois, le petit dessin en dessous. Je sais pas s'il pourra être mis dans le l'épisode, mais... J'avoue qu'il est plutôt joli. Et je vais juste tout simplement sortir toutes mes pièces de change et je vais lui mettre entre les mains, tout simplement. Et je vais lui dire ferme-la et retourne avec ta famille.